Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Puisque c'est la parole qui, semble-t-il, nous distingue du règne animal, soyons-nous naturellement poussés à créer des mythes, autrement dit des récits sur notre origine et sur le monde dans lequel nous vivons. Comment fonctionnent ces mythes? Quelles logiques permettent de les comprendre? Ces grandes questions parcourent les travaux de Claude Lévi-Strauss et notamment son œuvre monumentale en 4 volumes, Les Mythologiques. L'atelier de création radiophonique de France Culture a rencontré l'anthropologue en 1972 pour l'enregistrement de cette émission, Le Rouge et le Blanc. Les interrogations abordées ici n'ont rien perdu de leur actualité puisque, par définition, aucun de ces récits n'est jamais figé dans le marbre. Les mythes, les récits, se recomposent en permanence selon le contexte et l'époque. On va d'ailleurs l'entendre dans cette émission où les longues explications de l'anthropologue se mêlent à des mythes d'hier et d'aujourd'hui. ORTF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Le Rouge et le Blanc, par René Farabet, Robert Georgin, Jean-François Vallée. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Marcel Grenier, Nelly Laya. Question à Claude Lévi-Strauss, avec Nicolas Ruvet, Pierre Smith, Dan Sperber. Le sauvage en question, Michel Butor, William Ixtlake, Leslie Fiedler, Claude Lévi-Strauss, Maurice Roche. Danse, ni ange ni bête. Musique, Pau, Gilles Archambault, Rouge, Amérindien, Jacques Larue Langlois, chant. Le Rouge et le Blanc. Secret, tipise, cachant, sachant cela, partout, toujours au même endroit, passé dans les movies, devenu fiction et, désormais, ridicule divertissement pour papouze, maintenant rayé de la carte, enfoui dans le passé et reporté ailleurs, à proximité. Interdiction de sortir. Réserve, sur un point précis, à jamais nulle part. Sous réserve, cependant, d'expulsion, encore. Être banni de cette mauvaise terre. L'abandonner pour une plus mauvaise terre encore. Lieu perdu, désertique. Dérision de village indien. Tout étant risible et faux dès lors que les visages pâles, sous couleur de refaire l'histoire, sacrifient à la couleur locale au prix de la misère des autres, de l'humiliation. y mettant le prix pour entretenir la mendicité. Grand Sachem, sortant de sa réserve, de déclarer « Bavardage étant faiblesse de vieille femme, et bien que saignée à blanc contre un blanc saint, respecter sa parole, désormais se taire. » Être sa propre illusion. Par geste ne manquant pas d'allure, cadencé, doux, majestueux, en l'espace de quelques secondes, dans l'air, sur le vent, tracer une épitaphe fugitive. Puis s'inscrire les grandes marques de la tribu sur le visage, y ajouter le signe indien en arc, la figure lettrine de la mort éclair. Astiquer son mât totem de poche en cachette, pratiquer totem danse pour passer le temps, en attendant le grand pow-wow avec Wakan Tanka, chasser les mauvais esprits, les sales pensées, faire revenir à la mémoire les hauts faits d'ancêtres zoocéphales. Ma totem proposant sans doute une lecture, tenter de lire. Or, ne plus trouver sous les doigts qu'un petit objet de forme tourmentée, fait de petites bosses, d'entailles, inscription pour la vie, avec la patine du temps. Car vivre, c'est mourir. Alors, déterrer le tomahawk, cadeau à double tranchant de visage pâle, symbole de leur duplicité, fer triangulaire allongé et coupant, à talons carrés, creusés, communiquant avec le manche également creux, arme pouvant aussi servir de calumet. Déterrer le tomahawk et fumer le hashish de guerre. Rêver à la ghost dance, caressant un poteau de torture portatif en caressant un désir de vengeance. Parfois, songer à pousser le cri de guerre. Son substance perçant, entrant par une oreille, traversant la tête et sortant par l'oreille opposée. Note aiguë, résonnant longtemps avec vibration rapide, produite par le battement du plat de la main ou des doigts contre les lèvres. Parfois songer à pousser le cri de guerre, mais être incapable de l'expulser, celui-ci étant figé, restant dans la gorge, éteint par eau de feu. Bien que parqué dans un quadrilatère, n'en être pas moins voué à tourner en rond, s'agissant de distraire et rassurer d'éventuels spectateurs, monnayant moyen, moyennant monnaie pour s'offrir un supplément d'alcool, se livrer au simulacre d'évasion, de sortie, d'attaque, à pied, sur le sentier de la petite guerre, silencieusement marchant, levant haut le genou, déployer ses ruses. À cheval, sur la piste d'un circus de passage, décrire une spirale et soulever un nuage de poussière. En voiture, sur un chariot abandonné, immobile, faire diligence afin de respecter l'horaire, n'étant point parti, être plus vite de retour. Enfin, abréger, escamoter en partie un numéro truqué, cassage de pipe par le bâton à feu chargé à blanc, autre présent ambigu des livides à la langue fourchue. Tâter un talisman, Nado Wessiu, serpent de caoutchouc en réduction, rappelant une alliance lointaine avec Sko, autre tribu. Inspiré par le pot à anse, le cruchon ou le pichet, on en rit, te confiant, frère, encore eût-il fallus que je la connasse pour que je le suce. Tout en tirant sur la pipe un tantinet, tout en tirant le mauvais esprit par la queue, fredonner un chant d'amour de vieille gourde nostalgique prenant de la bouteille. Quel beau morceau! Quelque chose de chaud se mangeant à froid sous la tente. Le cul et le cri. Se faire tailler un calumet dans le bois dont on fait les flûtes. Aspirer, expirer, souffler dedans. Jouer les filles de l'air. Ainsi la fumée sortir. Des signes parfumés sentant bon la liberté. Pensant s'évaporer, rejoindre son corps, son cercueil. Devenir indéfini dans les nuées d'un quelconque septième ciel. À l'entrée du wigwam, un réduit, accrocher les trophées. Slip de sco et roubignol d'anthropologue chauve. Chat X, chat X, néanmoins. Seule conquête désormais. Et laisser supposer être scalp de valeureux adversaires, guerriers ennemis. Ne pouvoir en écrire. La plume d'aigle servant simplement à se gratter le cuir chevelu dans les moments de réflexion pour faire peut-être ressurgir le tracé électrique d'un rêve. Réduit à vendre aux visiteurs curieux amateurs de pittoresque, outre des wampum miniatures fabriquées en série par quelqu'un quelque part et représentant toujours la conclusion d'un traité de quoi et comment, d'amitié entre Indiens et Blancs, outre ratatiné en peau de bison synthétique décorée d'une reproduction digest du dernier des Winter Counts. Deux index l'un sur l'autre. Grand couteau. Tomahawk. Deux silhouettes face à face. Deux silhouettes se tournant le dos. Deux hommes rouges à cheval. Tortue barrée. Homme rouge se frottant les côtes. Tas de cailloux. Cheval couché barré. Fort avec, à l'intérieur, homme rouge ligoté, escroc, un fusil caché entre les jambes. Homme rouge sur un cheval. Homme blanc derrière un canon. Trois hommes rouges tenant couteau brisé. Grand couteau cassé près d'un wigwam. Gros tirage, en particulier pour se faire payer. Hatchet Editor, copyright. Collection Indian Artifacts. Souvenir touristique racontant dernier événement. Personne ne pouvant déchiffrer, n'en rien dévoiler. Peau rouge, ne voulant plus rien dire du tout. Sans parler de ce qu'il ne dit pas. Garder le silence, sa douleur. L'orgueil ne souffrant pas d'être blessé. How? Il dit, ayant parlé, boire eau de feu, lait chauffé à blanc de vieux sagamore chaya, rouge, qui parle une langue étrange. Some whites, many years ago, visited the camp of the Indians under the guise of friendship and presented the Indians with whisky, which contained strychnine. Contribution à l'étude de l'organisation sociale des Indiens Bororo, Journal de la Société des Américanistes, tome 28, fascicule 2. Indien du Brésil, catalogue de l'exposition, etc. Mission Lévi-Strauss, Paris. 1942, phares indiens, New York. 1943, guerre et commerce chez les Indiens de l'Amérique du Sud, Renaissance, revue trimestrielle publiée par l'École libre des hautes études, volume 1, fascicule 1 et 2. 1945, le dédoublement de la représentation dans les arts de l'Asie et de l'Amérique, Renaissance, 1944-45, New York. L'analyse structurale en linguistique et en anthropologie, Word, volume 1, numéro 2. 1946, la technique du bonheur, esprit, l'homme américain, numéro 127. La théorie du pouvoir dans une société primitive, in les doctrines politiques modernes, Brentano's, New York, 1947. Le serpent au corps rempli de poissons, acte du 28e congrès international des américanistes, Paris. 1948, la vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara, Paris, Société des Américanistes. Rouge, qui parle une langue étrange. 1949, le sorcier et sa magie, les temps modernes, quatrième année. Histoire et ethnologie, revue de métaphysique et de morale, 54e année, numéro 3-4. 1949, les structures élémentaires de la parenté, Paris, presse universitaire de France. 1950, document Rama Rama, journal de la Société des Américanistes, tome 39. 1951, 1952, la notion d'archaïsme en ethnologie, cahiers internationaux de sociologie, volume 12. Les structures sociales dans le Brésil central et oriental, Chicago. 1952, race et histoire, Paris UNESCO. Le rouge brique de son hâle était d'un égal de la racine des cheveux à la gorge, comme un fond de teint appliqué par un expert. Et cela complétait sa ressemblance avec un portrait reproduit à la machine. 1953, recherche de mythologie américaine, annuaire de l'école pratique des hautes études. 1954, l'art de déchiffrer les symboles, Diogène numéro 5. Qu'est-ce qu'un primitif ? Le courrier Paris UNESCO. 1955, rapport de la mythologie et du rituel, annuaire de l'école pratique des hautes études. Les mathématiques de l'homme, bulletin international des sciences sociales, volume 6. Triste tropique, librairie Plon. La plupart s'étaient vermillonnés de la tête aux pieds à l'aide de grains d'urucu pilés dans la graisse. Même les cheveux pendant sur les épaules ou taillés en rond au niveau des oreilles étaient couverts de cette pâte, offrant ainsi l'aspect d'un casque. Ce fond de teint s'agrémentait d'autres peintures, fer à cheval en résine noire brillante, couvrant le front et se terminant sur les deux joues à la hauteur de la bouche, barrette de duvet blanc collée sur les épaules et les bras, ou poudrage mi-cassé des épaules et du buste avec de la nacre pilée. 1956, sorcier et psychanalyse, le courrier Paris UNESCO. Les prohibitions du mariage, annuaire de l'école pratique des hautes études. 57, le symbolisme cosmique dans la structure sociale et l'organisation cérémonielle des tribus américaines. Série orientale et Roma 14. 58, le dualisme dans l'organisation sociale et la représentation religieuse, annuaire de l'école pratique des hautes études. Document Tupi Kawahib. Miscellanea Paul Rivet, Mexico. 59, le masque, l'express. 60, quatre mythes Winnebago, culture et histoire, New York. 61, la chasse rituelle aux aigles, annuaire de l'école pratique des hautes études. 62, en collaboration avec Roman Jacobson, les chats de Charles Baudelaire, l'homme, volume 2, numéro 1. Le totémisme aujourd'hui, Paris, presse universitaire de France. La pensée sauvage, Paris, librairie Plon. Où vas-tu, Thomas, Thomas ? Dit une de ses épouses. À la montagne. Pourquoi, Thomas, Thomas ? Pour la dernière fois. Il commence à faire froid, là-haut. Peu importe. Ce sera bientôt l'hiver. Oui. Je sais. À qui est ce cheval? Un blanc. Il est noir. Oui. Mais il appartient à un blanc qui a les cheveux roux et les yeux bleus. Et un nez vert? Les blancs sont suffisamment comiques sans qu'on ait besoin d'inventer. 63 marques de propriété dans deux tribus sud-américaines, l'homme, volume 3, numéro 364, Alfred Metro. Critères scientifiques dans les disciplines sociales et humaines, Revue internationale des sciences sociales, volume 16, numéro 4, UNESCO, Paris. Mythologique, tome 1, Le cru et le cuit, Paris, librairie Plomb. Mythe 1. Mythe de référence. Bororo. Les haras et leur nid. Dans des temps très anciens, il advint que les femmes allèrent en forêt pour cueillir les palmes servant à la confection des bas, étui peignant remis aux adolescents lors de l'initiation. Un jeune garçon suivit sa mère en cachette, la surprit et la viola. Quand celle-ci fut de retour, son mari remarqua les plumes arrachées encore prise à sa ceinture d'écorce et pareille à celle dont s'ornent les jeunes gens. Soupçonnant quelque aventure, il ordonna qu'une danse ait lieu pour savoir quel adolescent portait une semblable parure. Mais, à sa grande stupeur, il constate que son fils seul est dans son cas. L'homme réclame une nouvelle danse. Mythologique, tome 2, Du miel aux cendres, Paris, librairie Plomb, 1967. Mythologique, tome 3, L'origine des manières de table, Paris, Plomb, 1968. Mythologique, tome 4, L'homme nu, Paris, Plomb, 1971. Claude Lévi-Strauss, le premier tome de vos mythologiques s'intitule Le cru et le cuit. Le dernier tome s'intitule « L'homme nu ». On passe donc en Amérique du Sud du cru à la catégorie du nu en Amérique du Nord. Puis-je vous demander pour quelles raisons vous avez choisi des mythes appartenant aux deux hémisphères de l'Amérique et ce qui, à votre sens, permet de choisir des mythes amérindiens situés à 10 000 km de distance les uns des autres? Je n'ai pas choisi. Ce sont les mythes qui se sont choisis, si je puis dire. Et au début de mon entreprise, je savais bien que l'ensemble mythique que je considérais était panaméricain. Mais je n'étais pas du tout certain que l'Amérique du Nord me fournirait autre chose que des références rapides ou des points de comparaison. Mais en fait, au fur et à mesure que l'enquête progressait en Amérique du Sud, je me suis trouvé progressivement dans une impasse. En ce sens que certains des mythes sud-américains qu'il était indispensable de faire intervenir pour comprendre ceux par lesquels l'analyse avait commencé, soulevaient en eux-mêmes des difficultés en raison de l'absence, dans les populations considérées, des données mythiques qui permettaient d'interpréter celles auxquelles j'aboutissais. Et je me suis très vite aperçu qu'il était indispensable, pour pouvoir progresser, d'élargir l'enquête à l'Amérique du Nord. Il y a quelque chose que nous appelons dans notre jargon de linguiste ou d'ethnologue des paradigmes, c'est-à-dire des ensembles de termes qui sont substituables les uns aux autres dans une certaine position. Et j'étais en quelque sorte en Amérique du Sud à court de paradigmes, alors qu'au contraire, l'Amérique du Nord me fournissait les termes manquants. C'est ainsi que j'ai été obligé de faire d'abord des emprunts modérés puis de plus en plus fréquents à l'Amérique du Nord et que peu en peu l'enquête s'est trouvée décalée de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Mais quand nous étions installés dans l'hémisphère nord, alors ce sont de nouveau les mythes qui ont pris en quelque sorte le commandement. Les premiers que je devais envisager provenaient essentiellement des plaines centrales de l'Amérique du Nord, et leur interprétation m'a progressivement poussé vers des régions plus occidentales et plus septentrionales, et plus particulièrement vers cette région située à l'ouest des montagnes Rocheuses, entre les montagnes Rocheuses et l'océan Pacifique, et d'autre part, entre les bassins des fleuves Columbia et Fraser. Néanmoins, dès le début, et je l'avais annoncé dans le cru et le cuit, je savais que les termes de comparaison se trouveraient là. Mais peut-on inférer de cette comparaison entre mythes qui viennent approximativement de la Colombie-Britannique et mythes qui viennent du Brésil central qu'il y aurait une origine commune à ces différents mythes, malgré l'éloignement ? C'est une question que je suis amené à me poser à la fin du quatrième volume. Mais j'aimerais mieux ne pas y répondre directement et, si vous me le permettez, faire un petit détour ou ouvrir une parenthèse. Bien sûr, le fait que les mythes nord-américains et sud-américains se ressemblent à beaucoup d'égards, ça n'est pas une découverte. C'est quelque chose que les américanistes savent depuis très longtemps. Mais qu'ils ont été tentés d'interpréter de façon simple, à savoir que le peuplement de l'Amérique s'est fait en majeure partie ou en totalité depuis le détroit de Bering, et que par conséquent, les peuples qui occupent aujourd'hui l'Amérique du Sud ont d'abord dû traverser toute l'Amérique du Nord. D'où l'explication très simple qu'ils ont apporté avec eux un certain nombre de motifs mythiques, et qu'ils les ont déposés, si je puis dire, tout le long de leurs itinéraires très compliqués, qui les ont amenés depuis le nord du Nouveau Monde jusqu'à son extrémité sud. En somme, nous trouverions dans ces ressemblances mythiques des vestiges d'une communauté d'origine. Explication qui n'est certainement pas foncièrement mauvaise, mais qui ne me semble pas satisfaisante, pour autant qu'il ne s'agit pas simplement de relever des ressemblances. Si mon analyse a un sens, elle met bien davantage l'accent sur les différences que sur les ressemblances, et elle traite les ressemblances comme des cas particuliers des différences, disons ces cas particuliers où les différences tendent vers zéro. Et donc, mon problème essentiel, ça n'est pas simplement de relever qu'ici et là il y a des mythes qui sont pareils, c'est de montrer que même des mythes qui ne sont pas pareils et qui semblent au premier abord complètement différents les uns des autres ont des articulations communes. Alors ceci, et j'en reviens plus directement à votre question, ceci peut s'expliquer de diverses façons. On peut dire, et ce serait le plus simple, que la pensée mythique est une et qu'elle travaille toujours et partout de la même façon. C'est possible, mais au stade où en sont actuellement parvenues les études de mythologie, et en général celles qu'on appelle ethnosciences, c'est-à-dire sur le savoir des peuples sans écriture, ces études ne sont pas suffisamment avancées pour qu'on puisse sauter d'emblée à cette conclusion. Ce qui en résulte au moins, c'est que nous ne pouvons et que nous ne devons pas considérer l'histoire précolombienne du Nouveau Monde comme formée d'une quantité de petites histoires locales et indépendantes de peuples isolés les uns des autres, qui ne se seraient pas connus ou qui se seraient mal connus et qui auraient chacun développé leurs caractéristiques propres. Vous savez que les archéologues américanistes sont de plus en plus frappés par certaines parentés qui existent entre les hautes cultures du Mexique et celles du Pérou. Et qu'on estime qu'à une époque archaïque, il y a dû avoir des contacts entre les deux régions et qu'elles se sont développées à partir d'éléments communs. Bien, ce qui est incontestable pour les hautes cultures l'est aussi, me semble-t-il, pour ces cultures beaucoup plus primitives que nous trouvons dans les régions dites moins civilisées du Nouveau Monde. Et cela, me semble-t-il, parce que même des peuples dont l'effectif démographique est très restreint, enfin qui ne s'élève qu'à quelques centaines ou au maximum quelques milliers d'individus, et qui occupent cependant un très vaste territoire, eh bien, ne sont pas situés au centre, au cœur de ce territoire. Ces peuples parcourent chacun leur territoire sans interruption. Et on peut évoquer l'image du continent à l'époque précolombienne, un petit peu comme formée de cellules très grosses et très peu denses, mais dont la population humaine se trouve, je dirais presque statistiquement, répartie dans tout le volume de la cellule. De sorte qu'elles sont tout de même, disons, jointives entre elles, et que chaque peuple réagit à la périphérie, sur tous ses voisins. Dans des circonstances exceptionnelles parfois, comme les guerres, comme les migrations, comme les épidémies, et puis aussi dans des circonstances moins notables, mais dont la fréquence est beaucoup plus grande. Les visites, les intermariages, les captures éventuelles de prisonniers, enfin tout cela se traduit par des échanges très menus, mais incessants, et d'où résulte que tout changement qui se produit à l'intérieur d'un groupe retentit de proche en proche sur tous les autres groupes. Et c'est à une conception de ce genre de la vie de l'Amérique précolombienne que me conduit mon travail. Vous affirmez dans l'OMNU, je cite de mémoire et du reste de manière incorrecte, il existe un discours mythique universel qui constitue une réponse provisoire et lacunaire aux problèmes que pose l'infrastructure. Eh bien justement, quels sont ces problèmes universels que se posent les hommes et que tentent de résoudre notamment les mythes amérindiens que vous avez étudiés dans les quatre tomes des mythologiques? Je n'ai pas le sentiment d'avoir été aussi catégorique. Et je crois bien avoir évité soigneusement enfin, des termes tels qu'universel. Mais enfin, ce qui est certain et ce que je retiens de votre question, c'est que les mythes amérindiens se posent des problèmes qui, s'ils ne sont pas universels, sont en tout cas très fondamentaux. Et ces problèmes, bien, ce sont à la fois, je dirais, des problèmes communs à tous les mythes et des problèmes particuliers dans leur forme à chacune des sociétés qui expriment un fond mythologique commun à toutes à sa façon. C'est en somme la question de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont, alors que le seul fait que l'expérience permet de les appréhender d'une certaine manière oblige l'esprit à imaginer les manières différentes dont elles auraient pu être. Je veux dire que le soleil se trouve à une certaine distance de la Terre, mais que du fait que cette distance est considérée comme la plus favorable à la vie de l'humanité, ou du moins qu'il s'agit de démontrer que c'est celle qui est la plus favorable à la vie de l'humanité, on se trouve immédiatement amené, je veux dire les mythes eux-mêmes, à considérer d'autres cas, c'est-à-dire celui où le soleil aurait été beaucoup plus près de la Terre et aurait déclenché une conflagration, ou bien beaucoup plus loin et où, dans ce cas, la nuit universelle aurait régné et l'homme aurait été obligé de manger sa nourriture crue parce que le feu céleste serait resté éternellement hors de sa portée. Seulement, ça n'est à mon sens qu'un aspect du problème. Parce que si nous définissions les mythes de cette façon, eh bien, nous ne ferions d'eux qu'une sorte de science grossière et imparfaite. Car, formulées de cette façon, ce sont évidemment les mêmes questions que, plus tard, se posera la science. L'originalité de la réflexion mythique, me semble-t-il, provient de ce que, au lieu de se poser des questions séparément les unes des autres, on se pose simultanément tout un groupe, tout un paquet de questions qui, du point de vue formel, se trouvent avoir des propriétés communes. Et je m'explique. Les réflexions cosmologiques sont axées autour de l'éloignement relatif du Soleil de la Terre, qui aurait pu être plus grand ou plus petit. Mais dans l'ordre de la société, un problème tout à fait comparable se pose, à savoir celui de la distance raisonnable à laquelle un groupe humain doit aller chercher ses épouses. Car s'il va les chercher trop près, il violera la prohibition de l'inceste et s'interdira le développement des liens sociaux. S'il va les chercher trop loin, il s'expose pour aller quérir des épouses au risque de tomber aux mains d'ennemis et, par conséquent, la destruction de son groupe d'une autre manière. Donc là aussi se pose une sorte de problème de bonne distance. Une femme doit être épousée pas trop près, pas trop loin, de même que le soleil, par rapport à la Terre, doit être pas trop près et pas trop loin. Le propre de la pensée mythique, c'est d'empiler ces questions les unes sur les autres, chaque fois qu'elles relèvent d'une forme commune, et de tenter de leur donner une réponse unique et solidaire, de telle façon que tous les étages auxquels l'homme appréhende son existence, sa réalité, la cosmologie, la météorologie, la botanique, la zoologie, la sociologie, que tout cela apparaisse comme des aspects, des facettes d'un seul et unique problème auquel le mythe se propose de donner une réponse de manière globale et solidaire. Vous avez écrit « D'une certaine manière, les mythes se pensent entre eux ». Et tout à l'heure, vous avez insisté sur les différences qu'il y a entre les mythes en expliquant qu'on passait d'un mythe à un autre par un système de permutation axé sur des différences, sur des écarts différentiels. Comment, d'un mythe à l'autre, par exemple, tel élément peut remplacer tel autre et en vertu de quelle loi ? En vertu de quelle loi, ce serait beaucoup demandé. Il n'y en a pas une, et bon, l'inventaire des lois de la pensée mythique à supposer qu'il en existe est encore à faire. Moi, j'ai essayé de décrire certains modes de pensée sans prétendre encore en dégager des lois. Mais pour revenir à la première partie de votre question, n'est-ce pas, ce qui m'a toujours frappé en analysant les mythes, c'est que quand nous abordons l'un d'entre eux, quel qu'il soit, il nous apparaît comme un récit totalement arbitraire, incompréhensible, où n'importe quoi peut arriver à propos de n'importe quoi, et où, par conséquent, il est illusoire de chercher un ordre. Et la seule méthode qu'on puisse suivre, à mon avis, c'est au contraire de postuler que ce mythe dit quelque chose, mais que le seul moyen d'arriver à comprendre ce qu'il dit, c'est de rechercher dans la même population ou dans une population voisine un mythe qui dise exactement le contraire du premier. Et il m'a toujours apparu frappant que ces espèces de contradictions, et c'est en ce sens que j'ai écrit comme une boutade, bien sûr, que les mythes se pensaient entre eux, que la diversité de la mythologie, la multiplicité des variantes, était en quelque sorte équivalente à une multitude de dialogues que les mythes nouent les uns avec les autres. Tel mythe prétendant, par exemple, que le premier feu a été la propriété d'un animal domestique comme le chien, et que c'est de lui qu'il a été acquis par les hommes, tandis qu'une population voisine affirmera énergiquement que c'est tout à fait faux, que le premier feu se trouvait au ciel et qu'il a fallu que les terriens livrent une guerre contre les célestes pour aller le conquérir. Maintenant, à quoi est-ce que ça correspond dans les deux cas? Si nous prenons le dernier que j'ai évoqué, celui de la présence du feu au ciel à l'origine et de son absence sur terre. Ça veut dire qu'il existe à l'origine un éloignement maximum entre les hommes et le feu, c'est-à-dire entre les hommes et la cuisine, c'est-à-dire entre les hommes et la civilisation, entre l'humanité à l'état de nature et l'humanité à l'état de culture. Et le mythe s'efforcera de reconstruire toute une série d'événements qui constitueront autant d'étapes intermédiaires grâce auxquelles la communication est devenue possible entre le ciel et la terre pour être ensuite supprimée, le feu étant aujourd'hui sur terre comme la preuve, le témoignage que le contact fut jadis établi et le feu représentant le terme médiateur entre la terre sur laquelle maintenant il se trouve, et le ciel où il était primitivement. Maintenant, dans le premier cas que nous envisagions, vous voyez que la problématique est inverse. Parce que qu'est-ce que c'est que le chien, seul animal domestique pour les Indiens d'Amérique? Eh bien, le chien, c'est un être, c'est une créature qui se trouve placée à mi-chemin entre l'animalité et l'humanité. Il relève de la nature, puisque c'est une bête, mais en même temps, il relève de la culture, puisque c'est une bête qui vit dans la société des hommes et qui participe à leur activité. Donc, dans un cas, on introduit au départ un écart maximum et il s'agit progressivement de le combler. Dans l'autre cas, au contraire, on se situe d'emblée au milieu et à mi-chemin et la position actuel du feu de cuisine comme médiateur entre la nature et la culture se trouve fourni dès le départ, mais sous une forme en quelque sorte métaphorique. Au lieu d'être un déplacement spatial, si je puis dire, il s'agit d'un déplacement qui se produit d'un registre sémantique dans un autre registre sémantique. Et en appliquant des règles de ce type, il devient possible de ramener à une forme commune, une multitude de mythes en apparence tout à fait hétéroclites et sans rapport les uns avec les autres, mais dont nous comprenons que chacun constitue une manière particulière de formuler et de résoudre un problème qui, pour tous les intéressés, se pose dans les mêmes termes. Hey, hey, hey. Mythe 95. Tucuna, la fille de l'arbre, Umari. Détail. À l'insu de son frère Épi, Dillet prit pour épouse une jeune fille qui lui était miraculeusement apparue. Il la roula entre ses mains pour la rendre toute petite et la cacha dans sa flûte. Quatre nuits de suite, il la retira du tuyau, la prit dans son hamac et joua avec elle en silence. La cinquième nuit, elle rit et les petits coquillages de ses bracelets inter. Frère, demanda aussitôt Épi, avec qui ris-tu donc ? Avec personne, répondit Dillet. C'est le balai qui rit parce que je l'ai chatouillé. Mythe 660A, Cliquita, l'épouse cachée, fragment. Il y avait Aigle et il y avait son frère cadet, Moufette. Aigle passait tout son temps à la chasse. Une femme survint. Moufette la cacha. Quand Aigle rentrait le soir, il se déchargeait de son gibier et dormait dans la cabane. Moufette bavardait dans l'ombre avec sa femme, et en s'éveillant au petit jour, Aigle s'inquiétait de savoir avec qui son cadet parlait et riait dans l'obscurité. Celui-ci répondait « Je ris parce qu'une souris vient me voir, me court sur le visage ou me mordille le rectum. » Douglas, Arizona, Far West, la réserve des Indiens Navajos. Les Indiens des États-Unis, au nombre d'environ 500 000, vivent pour la plupart dans des réserves dispersées sur tout le territoire, où ils ont été parqués peu à peu lors de l'occupation progressive du pays par l'envahisseur blanc. Il ne serait pas gentil de les comparer à des camps de concentration, ce serait même un peu injuste. Certaines de ces réserves sont touristiques. Il était une fois une Indienne qui vivait dans la terreur. Qu'un méchant cow-boy ne vienne comme un loup-garou lui faire coucou, coucou, pendant qu'elle dormait nue dans l'herbe. Georgetown, New Mexico, la réserve des Indiens Zuni. Corning, Iowa, la réserve des Indiens Tamas. Marshall, Californie, la réserve d'Indiens de Manzanita. Je le connais, le noble peau-rouge, moi. J'ai campé avec des Indiens. J'ai été avec eux sur le sentier de la guerre pour chercher des sauterelles. Je leur ai prêté main forte pour voler du bétail. J'ai parcouru le pays en leur compagnie. J'en ai scalpé. J'en ai mangé à mon petit déjeuner. Et c'est moi qui vous le dis. Je dévorerais bien la race tout entière si j'en avais l'occasion. Mark Twain. Concorde, Floride, la réserve des Indiens Séminoles. Derby, Kansas, la réserve des Indiens Potawatomis. Les Sioux sont une race laide et difforme, car leurs membres sont, d'après notre canon, beaucoup trop grands par rapport à leur tronc. Ils ont les pommettes saillantes, les yeux globuleux et sans éclat, et ils se peignent le corps tout entier de graisse et de poussière de charbon. Edgar Poe. Milton, Pennsylvanie, la réserve d'Indiens du planteur de maïs. Un jour de décembre 1888, deux cow-boys, Wetherill et Mason, cherchant du bétail égaré, débouchèrent sur les immenses ruines de Mesa Verde, abandonnées depuis des siècles par les Indiens Anasazi. Les Indiens Utes les craignaient comme étant la ville des morts. Mythe 692. Clallam, la visite au ciel. À l'origine, il n'y avait sur terre qu'une femme, qui était seule au monde. Elle se fit un mari de résine, mais comme à cette époque le soleil était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, l'homme fondit. Ses fils en conçurent de la haine envers le soleil. L'un d'eux tira une flèche qui se ficha dans la voûte céleste, puis un grand nombre, l'une après l'autre, qui s'ajustèrent bout à bout, formant une sorte de chaîne le long de laquelle les fils grimpèrent et parvinrent jusqu'au monde céleste qui offrait l'aspect d'une vaste prairie. Des oies, alors douées de la parole, leur indiquèrent le chemin vers la demeure du soleil. Ils rencontrèrent ensuite deux femmes, aveugles, dont un des garçons subtilisa la nourriture pendant que l'une l'attendait à l'autre. Il se fit connaître aux femmes. Elles le renseignèrent sur la route à suivre et lui donnèrent un minuscule panier contenant 6 baies de Rubus spectabilis. Après une dernière rencontre, cette fois avec des hirondelles, les frères arrivèrent chez le soleil, vieillard qui entassait du bois résineux dans un énorme brasier si ardent que les visiteurs crurent périr et d'où émanait la chaleur intense qui régnait alors sur la terre. Le soleil mangea les six baies. Elles se multiplièrent dans son corps au point qu'il creva. La violence du feu diminua et depuis sur la terre, il ne fait plus aussi chaud. Mythe 406. Waro, histoire de la belle Asawako. Fragment. Okoi et son neveu revinrent au pays. Après s'être baignés et purifiés, le vieillard convoqua les siens autour de son hamac et leur dit « Quand j'étais jeune, je pouvais voyager jour après jour, comme je viens de le faire. Mais maintenant, je suis vieux et je ne voyagerai plus. » Sur ces mots, sa tête éclata et il en sortit la tiédeur du jour et la chaleur du soleil. Les mamans et les papas indiens ne prenaient pas grand soin de leurs petits-enfants malades. Quand ils voyaient qu'un garçon, et surtout une fille, ne pouvait plus manger, ils les abandonnaient dans la forêt. Ils les laissaient mourir de misère. C'était bien triste. Réserve d'Odanak, Canada. On a vécu comme à peu près tous nos voisins, les Blancs. On a toujours vécu parmi les Blancs d'abord. Les Blancs ont toujours fréquenté la réserve comme on a fréquenté les villages voisins. On a adapté le même genre de vie comme les autres. À ce temps-là, il y avait peut-être un peu plus de... Comment est-ce qu'on dit ça? On était moins acceptés. Dans ce temps-là, il y avait encore nos voisins qui n'acceptaient pas les Indiens. Et vos pères, est-ce qu'ils étaient encore chasseurs ou si déjà ils n'étaient plus chasseurs? Quand j'ai eu connaissance, moi, assez vieux pour connaître quoi ce que c'est que j'étais sur la terre, papa, il faisait plus la chasse. Mais on avait certaines vieilles hommes qui faisaient encore la chasse. Mais il fallait nécessairement s'éloigner pour faire la chasse. On n'avait plus de chasse alentour ici, c'était trop habité. Avant, ils faisaient la chasse ici, tout partout alentour. Mais quand c'était le temps de la chasse, il fallait qu'ils s'en aillent dans le nord, assez loin dans le nord, dans le Saint-Maurice. La plupart, comme papa, il a fait la chasse là. Après qu'il a été marié, il a fait la chasse là, dans le Saint-Maurice. Mais ça a pas été, il a pas tenu longtemps à faire la chasse. Il s'est occupé à d'autres. À l'industrie, on avait une industrie ici, l'industrie des paniers de fantaisie, là, que tout le monde faisait ça ici. Hein. Puis, les hommes, comme les femmes, les enfants, ça travaillait. Tous ceux qui pouvaient travailler, ça travaillait. Ces paniers-là. Puis, c'était la vie ici dans le village. On faisait ces paniers-là surtout en hiver. Ben chez nous, maman était veuve, nous étions 10 en famille, j'étais le plus âgé, j'avais 16 ans. On partait tous les printemps en mai pour revenir en octobre. Nous allions dans les montagnes blanches du New Hampshire, à une place qu'on nomme Jefferson, New Hampshire. Nous passions l'été là, avant des paniers. Le moyen de transport était assez étrange. Nous n'avions pas de chemin de fer jusqu'ici. Nous étions obligés d'aller prendre les trains, soit à Sorel ou une autre place, Saint-Guillaume-d'Upton ici. Il y avait un chemin de fer, c'était un terminus du Pacifique canadien qui faisait correspondante avec Farnham puis la grande ligne pour Boston. On partait dans la nuit ici en voiture vers 2 h du matin. Toute la famille, tout notre bagage pour Saint-Guillaume. Ça nous prenait 3 h en voiture, 18 000. À Saint-Guillaume, on arrivait vers 5 h. On prenait le train à 7 h. Puis on arrivait à destination Montagne-Blanche à 7 h du soir. Un trajet très dur. C'était le seul moyen. Autrement, passer par Montréal, ça prend 2 jours. Ça, c'était une nécessité vitale ben, pour voir des paniers. Oui, c'est ça. Et à qui vous les vendiez là-bas? Aux touristes américains. tous nos gens se portaient pour les États-Unis. Quelques-uns dans les montagnes blanches, d'autres dans le, sur les plages du Maine, d'autres dans l'État de New York. Michigan. Chez vous? Il y avait de Michigan. Ça. Michigan même, dans le Michigan. Ça se faisait tous les ans, à même date, retour à peu près à même date. De sorte qu'en été ici, sur une cinquantaine, soixantaine de familles qu'il y avait, il en restait peut-être 10. Le village se vidait. Quand on perd l'allemand, son supplice fut si lent qu'il ne dura pas moins de 17 heures enveloppé d'écorce qui devait le consumer vivant. Il endura lui aussi les haleines rougies au feu, les flots d'huile bouillante que les Hurons apostats lui versaient sur la tête pour tourner en dérision le sacrement du baptême. Quels sont les avantages de vivre sur une réserve, M. Bonsawin? C'est une mentalité. C'est peut-être différent des Blancs. Il y en a parmi nous autres là, qui sont partis d'ici, qui sont expatriés. On dirait que ça ne les fait pas grand-chose, demeurer ailleurs ou demeurer ici. Mais il y en a d'autres qui sont attachés comme nous autres ici, M. Nolette et moi. On n'a jamais consenti à s'expatrier pour laisser complètement la réserve. On était attachés ici. Et puis, je dirais même qu'il en fallait, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ait cette idée-là de rester. Autrement, il y aura longtemps que la réserve, la mission n'aurait pas existé. Si on était tous sortis, ça aurait été complètement abandonné. Mais vous voulez rester pour sauver la mission. En partie. C'est donc que c'est important, la mission. Justement. C'est en quoi elle est importante? L'avantage, il y a certainement une différence dans le mode de vie d'une réserve et le mode de vie chez les Canadiens français. Ici, on n'est pas sujet aux taxes. Je pense que c'est une grosse affaire. Je suis dans la réserve ici. On n'est pas prisonnier. Si on veut sortir, on sort. Auparavant, c'était pas comme ça. Quand les premières réserves ont été données, là, il y a, mettons, 150-200 ans, mais les gens étaient comme captifs dans la réserve. Ils ne peuvent pas laisser la réserve. Il fallait qu'ils demeurent dans la réserve. Je dis, on peut sortir, on peut voyager, comme le blanc. Autant d'avantages que le blanc. Ensuite, ceux qui ont des facilités, là, ceux qui ont des talents pour quelque commerce ou quelque métier, bien, ils sont à même d'en profiter, peuvent travailler encore, comme beaucoup le font actuellement. Plusieurs sont à Sorel, d'autres à Drummondville, d'autres à Montréal, un peu partout. Mais je ne trouve pas qu'il y ait un inconvénient d'être dans une réserve. C'est ainsi que le père Brébeuf vécut des semaines au milieu d'Indiens malpropres et de chiens-loups qui faisaient partie de la famille. Oui, on est mieux considéré aujourd'hui que l'ancien temps. Discrimination existe très peu. Cependant, il y en a encore. Il y en a? Oh, oui. D'ailleurs, il y en a partout. Pas rien qu'ici. Mais il est très difficile de faire preuve de discrimination envers les Amérindiens parce que physiquement, on ne les reconnaît pas facilement. Ben non. Non, mais non. Parce que ça n'y paraît pas, mais on le sait qu'il y en a. On sait qu'il y en a. Mais tu vois, les gens sont plus avancés aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 50 ans. Je parle des Canadiens français autour. Ils font plus attention aux apparences. Ça n'y paraît pas autant que dans ce temps-là. Quand vous aviez 7, 8, 9 ans, là, que vous faisiez insulter de cette façon-là, qu'est-ce que ça vous faisait? Êtes-vous capable d'essayer de repenser à ça? Non, mais naturellement, dans ces temps-là, c'est quand on se faisait insulter, quand on passait pour des maudits sauvages, bien, ça, c'était toujours chacun, n'importe qui. Qu'il soit, qu'on dise dans la même chose un Canadien ou bien un Américain, un Anglais, qu'on traite de maudit, mais c'était pas des compliments. C'était toujours choquant, mais ça ne voulait pas dire qu'on en voulait à mort à ces gens-là. C'était surtout quand on est jeune, ça arrive assez souvent qu'ici, dans le village, là, On avait la misère à aller à Pierreville sans se faire insulter par un groupe. On dirait que c'était un groupe organisé. Et puis, naturellement, ça se passait pas toujours en bonne intelligence. Ces rencontres-là, ça arrivait assez souvent qu'il y en résultat des batailles. Mais le lendemain soir, on rencontrait les mêmes gens, et puis c'était tout différent. La chicane était passée, mais ça se faisait comme ça se fait encore aujourd'hui. Entre jeunes, ils peuvent se rencontrer deux, trois jeunes garçons, des petits garçons, là, puis s'insulter, puis se battre le lendemain soir, ils se rencontrent, puis c'est des bons amis. C'était rien de sérieux. C'est une mentalité comme ça, c'est une habitude qu'ils avaient. Il n'y a pas de racisme qui est resté de haine du blanc? Non. Oh non, il n'y a pas de haine, certain. Non. Ni d'un côté, ni de l'autre. Depuis nombre d'années, on ne connaît pas rien ouvertement, malgré qu'on sent naturellement qu'il y a quelque chose encore. Ils ne nous acceptent pas encore comme les leurs. Seulement qu'on s'aperçoit bien moins aujourd'hui là, quand nous allons à Pierreville ou à Saint-François ou n'importe où ailleurs, là, on nous appelle plus sauvages. Aujourd'hui, on rencontre des gens là, qui nous ont connus, qui nous ont traités de sauvages. Moi-même, j'étais assez vieux pour être insulté de quand je rencontrais des gens de mon âge qui me traitaient de sauvage, malgré que je me pense supérieur aux autres, mais je me sens tout autant que n'importe qui, que je sois indien ou d'autres choses, je suis un être, un humain. Et puis, ça me choquait. Aujourd'hui, là, ces mêmes gens-là, même dans les enfants, on s'aperçoit que les enfants, nos enfants qui vont aux écoles à l'étranger, les autres, ils se plaignent qu'il y a encore des enfants qui les acceptent pas. Ils les traitent encore comme des sauvages. Puis même les Canadiens qui demeurent dans la réserve ici, là, ils passent pour des sauvages, les autres mêmes. Ça veut dire que c'est ceux qui demeurent sur une réserve là, qui sont des sauvages. Puis dans le fond, il y a presque autant de Canadiens qui demeurent sur la réserve ici, permanents, ils sont à loyer ici. Et puis, ils vont à l'école à Pierreville ou à Saint-François, bien, ils sont traités comme des petits sauvages. C'est pour dire là, que c'est la mentalité qu'il y a parmi parmi les plus jeunes qui fréquentent encore l'école. Mais il s'agit que quelqu'un demeure sur la réserve d'Odanak qui ont les traite de sauvages. Des gens qui parlent contre les Indiens, je me suis dit à moi-même, c'est des gens qui ne connaissent pas les Indiens. Il y en a qui parlent contre les Indiens parce qu'ils les connaissent. Ils les connaissent pas. S'ils connaissent nos Indiens d'aujourd'hui, c'est plus les Indiens d'il y a 300 ans. Sans vouloir dire qu'on est aussi civilisé que les Blancs, mais on est civilisé pour comprendre le bon sens, puis on est capable de rencontrer n'importe qui. Sans se vanter, moi je peux rencontrer n'importe qui sur les trois langues. Je peux rencontrer un Abénaki, n'importe où, qui vient de l'Abénaki, le français, puis l'anglais, pareil. Ça fait que même ceux-là qu'on connaît, qui veulent parler contre les Indiens, ils sont pas capables de... Ils ont tout simplement leur français qu'ils connaissent, ils ne peuvent pas répondre un mot en anglais. Mais j'ai été ici il y a 2-3 ans, on a des fêtes en été, on appelle ça des fêtes nationales, des fêtes indiennes. Puis, il vient beaucoup de monde, il vient des étrangers. Il y avait, je ne sais pas si c'est pas le consul général haïtien de Montréal, ou bien dans tout le cas, c'est un consul général. Le consul, il m'a demandé, dans tous les cas, il y en avait une qui a passé devant moi, puis il m'a parlé en français. Fait que j'ai répondu en français. Et puis, aussitôt que cette personne-là est passée, qui m'a parlé français, il y a un autre qui s'en vient en anglais, puis il me parle en anglais. J'y réponds en anglais. Fait que là, il se m'a reculé comme ça, il avait ses deux mains en arrière du dos. Là, puis, combien de langues parlez-vous, vous, monsieur? Dans l'espace de 2-3 minutes, j'ai parlé les trois langues, là. J'ai dit, je parle trois langues. Et puis il dit, si vous, dit qu'on appelle sauvage. Je dis, oui. Il dit, on m'appelle sauvage, mais ben, dis-moi, dit, en tant que haïtien, dit, je parle ma langue. C'est surtout français, je pense qu'il parle les autres. Il dit, je parle le français, et je ne me considère pas comme un sauvage parce que je parle rien qu'une langue. Mais vous, on dit que vous êtes sauvage, puis vous parlez trois langues couramment comme ça. Je dis, ça j'ai jamais vu ça. Enfin, je me dis, moi aussi, ces gens-là, qui nous appellent sauvages, je suis certain que c'est à cause qu'ils ne nous connaissent pas. Your power express. Claude Lévi-Strauss, vous insistez dans les mythologies qu'il y a plusieurs reprises sur la profonde complicité qui unit le mythe et la musique. En quoi consiste, selon vous, cette complicité ? Ce n'est pas une idée dont je suis parti, enfin qui était clairement formulée dans mon esprit au départ. Quand j'ai commencé à écrire le premier volume, ou plutôt quand j'ai voulu commencer à l'écrire, je me suis trouvé devant des problèmes de composition que je ne soupçonnais pas du tout. Il m'était tout à fait impossible de diviser ma matière en chapitres, comme on peut le faire en général dans des livres, et elle s'articulait de manière beaucoup plus complexe, et c'est peu à peu, enfin en essayant de laisser les matériaux s'organiser selon enfin, un ordre qui me semblait naturel, en mettant ce mot entre guillemets bien entendu, que j'ai reconnu dans cette organisation des formes de composition dont la musique avait depuis très longtemps l'usage. Et c'est ainsi que j'ai été amené à donner au premier volume une construction imitée de forme musicale, enfin d'appeler, non pas des chapitres, mais telle ou telle partie, enfin des fugues, des sonates et autres. Et c'est ainsi donc, en quelque sorte par hasard, ou d'une façon que je n'avais pas du tout pressenti, que j'ai été amené à réfléchir sur ce rapport très profond qui semblait exister entre la construction mythique et la construction musicale, et qui, me semble-t-il, peut se justifier de deux façons. En premier lieu, n'est-ce pas, il y a beaucoup de critiques, notamment parmi les philosophes, qui se sont montrés très déçus par mes analyses, parce qu'ils ont considéré que, et j'emploie ici les termes de l'un d'eux, que je m'évertuais à élaborer la syntaxe d'un discours qui ne dit rien. D'où pouvait venir une telle critique ? Parce que, enfin, quand on reçoit des critiques, il faut toujours se demander quel est leur fondement et leur explication. C'est qu'après tout, on a toujours demandé au mythe de signifier autre chose que ce qu'il signifiait véritablement, d'apporter des réponses à certaines interrogations qui ne sont pas celles du mythe lui-même, mais qui sont celles que les hommes d'aujourd'hui se posent à propos des mythes d'autrefois, à savoir de leur apporter une sorte de message ou de révélation mystique sur l'origine de l'homme, sur sa destinée, sur sa place dans l'univers, alors qu'évidemment, de mes analyses, il ressort, j'espère, beaucoup de choses, mais rien de tel. Or, me semble-t-il, nous sommes, en matière de musique, dans une position tout à fait comparable. Il y a beaucoup de musicologues ou de musicolâtres qui se sont complus à essayer de rendre par des équivalents verbaux l'émotion qu'ils ressentaient au contact de la musique et qui nous parlent de la sublimité de telle ou telle œuvre, qu'elle élève l'esprit et ainsi de suite. Et j'ai toujours eu le sentiment que nous étions là en présence de platitude, de banalité, ou en tout cas d'une phraséologie qui était incapable de nous faire sentir, percevoir ce qu'était vraiment la musique. Et quelle peut en être la raison ? Eh bien, c'est que, comme la mythologie, la musique est un langage, mais qui n'est traduisible en rien d'autre que lui-même. Nous ne pouvons pas dire ce que signifie un mythe en dehors de la mythologie. Nous pouvons dire de quelle façon le mythe A traduit dans son langage particulier ce que dans son langage particulier dit le mythe B, et qui est différent de ce que dans son langage particulier dit le mythe C. Et quand nous essayons de dégager le sens d'un mythe, nous ne faisons jamais que traduire un mythe dans le langage d'un autre mythe, et ainsi de suite. De même qu'en musique, nous pouvons toujours traduire une mélodie dans une autre mélodie, je veux dire, nous pouvons la transformer du mode majeur en mode mineur, nous pouvons modifier les paramètres qui préside à l'écartement relatif des notes. Nous pouvons la transcrire d'une octave dans une autre octave, d'un instrument dans un autre instrument, mais c'est tout ce que nous pouvons faire, parce que si nous essayons de traduire la mélodie avec des mots, nous dirons des niaiseries. Donc, c'était là une ressemblance d'ordre purement formel. Et dans ce que j'avais appelé l'ouverture du cru et le cuit, je m'en étais tenu à ce point de vue. Mais au cours même de la rédaction des quatre volumes et en arrivant vers la fin, il m'est apparu qu'il y avait une raison beaucoup plus profonde. C'est que la musique telle que nous la connaissons, ou plus exactement, telle que nous l'avons connue dans un certain état de notre civilisation, qui va depuis l'apparition de la fugue avec Frescobaldi et Bach, jusqu'à la fin de la grande forme musicale qu'on peut, me semble-t-il, faire coïncider avec l'œuvre de Stravinsky, enfin quelque chose de vraiment différent commençant d'apparaître avec la musique sérielle et avec tous les développements consécutifs à la musique sérielle elle-même. Mais me limitant à cette période qui va, disons, en gros, du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe ou au début du XXe. Bien, cette période, au moins à son début, me semble coïncider avec un autre développement considérable qui s'est produit dans l'ordre littéraire, c'est-à-dire la mort du mythe dans notre civilisation en tant que mode d'expression littéraire. Mort du mythe, évidemment lié à l'apparition de la pensée scientifique contemporaine. Et alors, au moment où cette pensée scientifique moderne apparaît, bon, le mythe perd sa mainmise sur la pensée de notre civilisation et son héritage se disperse. Son héritage proprement littéraire passe au roman, qui s'émancipe des contraintes de la pensée mythique et s'organise sous forme de récits libres. Mais les formes mêmes de la pensée mythique, alors, me semble-t-il, sont reprises en compte par la musique. Et ce qui me semble le plus frappant, enfin, dans les considérations de ce genre, c'est ce rôle de l'opéra, à partir de sa naissance, qui est devenu, dans notre société, le véritable substitut de ce que pouvait être les récits mythologiques. Et d'ailleurs, l'opéra a été très largement mythologique dans son contenu, dans son inspiration, pendant une grande partie de son existence, c'est pas, et jusqu'à Wagner en tout cas, et même jusqu'à Debussy avec Pélias, parce que Pélias, c'est une sorte de mythe en musique. Et la raison profonde, donc, de l'analogie qui m'est apparue entre pensée musicale et pensée mythique, tiendrait à des raisons très profondes, à savoir qu'une certaine forme de musique a repris en compte certains caractères de la mythologie au moment où celle-ci expirait. J'ai eu le sentiment en vous lisant que la musique représente pour vous une véritable hantise. Est-ce que je me trompe en disant cela ? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Enfin, la musique a pour moi une sorte de réalité obsessionnelle, en ce sens que si j'avais pu choisir véritablement ma vie, ma carrière, et si à l'heure présente où vous me parlez, enfin, une bonne fée apparaissait et me disait que d'un coup de baguette magique, elle pouvait faire de moi autre chose que ce que j'étais, je dirais, comme j'ai toujours cru, même depuis l'enfance, je l'ai toujours pensé, que ce que j'aurais aimé être, c'est être chef d'orchestre. Et je suis parfaitement conscient, enfin, qu'en écrivant les mythologiques, j'ai cherché une sorte de substitut à cette incapacité congénitale à composer une œuvre musicale. Et j'ai cherché à faire avec des sens, puisque les mythes, ce sont essentiellement des combinaisons de significations, j'ai cherché à faire avec des sens ce que le musicien lui-même fait avec des sons. Henry Purcell, The Indian Queen, suite. Ce temps, 1200 Iroquois armés jusqu'aux dents n'attendaient que le signal des chefs pour se précipiter au cœur du pays des Hurons pour massacrer non seulement les hommes, les femmes et les enfants, mais aussi les robes noires qui n'avaient fait que du bien, comme le père Brébeuf, le père Lallemand, le père y en a, Garnier, le père Daniel, le père Chabanel. On ne peut pas faire autrement que penser que ce qui s'est produit en Amérique du Nord il y a 3 siècles, 2 siècles, c'est le génocide d'une race. C'est ça. Les Blancs ont éliminé les Indiens. Quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? Bien, savez-vous que dans le temps, c'était chose courante. Il y avait l'ambition entre Anglais et Français, je suppose. Dans le fond, c'était le commerce des fourrures, dans le fond. Les Abénakis, enfin tous les Algonquins, étaient liés aux Français. Tandis que la Confédération iroquoise, qui comprenait les Hurons en même temps, était plutôt liée à l'Anglais. Peut-être une guerre continuelle entre les deux races. Dans un but lucratif, là, s'emparer du commerce de la fourrure. Je pense que c'est ça qui a toujours été la discorde entre les deux races iroquois et algonquins. À l'arrivée du blanc, les deux seules confédérations importantes, c'était la confédération algonquine et iroquoise. C'était les seules qu'il y avait. Les Abénakis, les Algonquins vivaient plutôt de chasse et de pêche. tandis que les Iroquois cultivaient la terre. Il se produisait un échange entre les produits de la terre et les produits de la chasse. Ça marchait tant qu'il n'y a pas eu de discorde entre les... tant qu'il n'y a pas eu d'ambition. Ils pensent que... Mais savez-vous que dans l'histoire du Canada, les sauvages, c'était pas grand-chose. Ils ont fait une génération d'ignorants là-dessus. La génération qui a passé, là, ignore complètement l'Indien, par son histoire, par l'histoire du Canada, qui était mal rédigée. La première chose, là, comme on dit que les Indiens ont été barbares, mais il devait avoir une raison pour ça. Ils sont pas naturellement barbares. Ils ont été incités. Prenons comme les scalps. Là. Les scalps, c'est pas les Indiens qui ont commencé ça. Ça a été emmené d'Europe, ça, le scalp. Les Anglais, aussi bien comme les Français, ils payaient les Indiens tant par scalp. Un Indien comme un Blanc ou n'importe quel autre, qui n'était pas beaucoup civilisé dans ce temps-là, pour être récompensé, ben, il en faisait des scalps. Il tuait les gens pour les scalper, pour vendre le scalp. Il y avait, je ne sais pas comment c'est qu'il y avait à ce temps-là, en tous les cas. Il était récompensé par chaque scalp qu'il emportait. Fait que c'est reconnu comme... C'est pas l'Indien qui a inventé ça, le scalp. L'idée est partie de l'Europe pour que les Indiens fassent ça pour avoir des comment est-ce qu'ils appellent ça, des trophées. Les Européens, ils tournent en Europe avec des scalps, c'était des trophées. Et puis ça passait comme si c'était eux autres qui avaient gagné ça. Ça fait toujours quelque chose là, quand on accuse une nation, n'importe quelle nation. Prenons aujourd'hui comme les nègres. Aux États-Unis, on les traite toutes sortes d'affaires. On cherche pas à leur donner justice, on cherche à les caler. Mais les Indiens, ils ont été un certain temps qu'on les traitait comme ça aussi. Les habitants auraient été heureux de vivre ensemble dans la tranquillité. Mais hélas, les féroces Indiens venaient souvent les attaquer et ruiner leurs entreprises. Est-ce que quand un membre de la tribu se sépare en se mariant, par exemple, avec un Blanc ou en décidant d'aller travailler ailleurs, c'est quelque chose de grave? Est-ce que la tribu le blâme jusqu'à un certain point? Bien, on le blâme naturellement parce que nous autres, ça nous fait toujours la peine de voir de nos gens s'expatrier. C'est la seule question à part de ça. On ne peut pas les blâmer. Il y en a beaucoup qui sont obligés de partir parce que ceux qui ont de l'ambition et puis qui ont des capacités pour faire valoir leurs capacités, mais ce n'est pas la place ici dans la réserve. Il faut nécessairement qu'ils sortent. Il y en a beaucoup qui sont sortis, qui ont fait des études assez avancées. Mais le genre de vie qu'on a ici, on ne pouvait pas s'attendre à faire fructifier nos connaissances dans l'instruction. Fait que nécessairement, il fallait s'expatrier. C'est pour ça qu'on attend de nos gens éparpillés d'un bord et d'autre. Il y en a qui travaillent à Sorel, mais ça revient ici. Mais ceux qui sont plus... On a à Ottawa, on a à Shawinigan, on a... Comment est-ce qu'on a aux États-Unis? Le mariage d'une Indienne avec un Blanc, ou le contraire? Quelle est votre réaction face à ça? Mais savez-vous comment ça se fait quand une Indienne marie un Blanc? C'est pas le Blanc qui amène sa femme en dehors, c'est l'Indienne qui emmène son mari dans la région. Les locataires, ça. Les Indiennes, ça. Mario Blanc. Ah non, ce sont des Blancs qui ont marié les Indiennes. Il y en a demeuré par ici. Fait qu'on ne les perd pas complètement. Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment différent des Blancs? Quant à moi, je ne me sens pas différent d'un Blanc. Je suis parmi les Blancs, je vis avec les Blancs, je m'adonne avec les Blancs, puis je me sens pas différent du Blanc. Non, pas du tout. Même chose. Ils nous ont montré à vivre d'abord. On pouvait vivre, on vivait avant qu'ils arrivent. Mais c'est un genre de vie qui est comme on dirait, on vivait tout simplement, on végétait. Mais quand les Blancs sont arrivés, on nous a enseigné de vivre comme du monde et puis faire connaître la religion, tout ça. C'est du bien qu'ils nous ont donné, mais avec ça, ils ont apporté la boisson, ils ont apporté tout ça d'autres choses là, qui faisaient un petit brin contraste avec ce qu'ils nous avaient enseigné. Brébeuf souffrit en silence pendant 3 longues heures. À la fin, fatigué de le voir souffrir, l'un des bourreaux lui fendit la poitrine d'un coup de couteau. Alors tous ces tigres à face humaine se précipitèrent sur leur victime, lui arrachèrent le cœur et le dévorèrent à belles dents avec l'espoir d'hériter d'une partie de son courage. Vous, M. Dallaire, comment avez-vous gagné votre vie? Parce qu'il a fallu que vous... Vous avez élevé une famille? Il fallait de l'argent pour ça? Ah, ben la vie a été menée ici avec les paniers, au début. Ensuite, bien, j'ai eu le bureau de poste pendant 38 ans. Faites ma vie ici, puis je m'en plains pas. Vous, M. Balsawin, vous avez toujours fait votre vie ici à Dallaire aussi? Non, ben, j'ai beaucoup voyagé, moi aussi, J'ai fait plusieurs années à la chasse, à la pêche, avec les touristes. J'allais guider les touristes dans les bois, faire la chasse et puis la pêche. À part de ça, j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années. J'ai marié, là, je me suis grillé des animaux. Une chose que j'avais jamais faite, j'avais peur des vaches, mais... Fait que je me suis graillé des animaux, j'ai élevé des animaux, puis je suis venu à faire ma vie avec ces animaux-là. Je cultivais quoi ce que j'avais besoin. Cette réserve-ci n'est pas une gratification du gouvernement, semblable aux autres réserves. C'est une donation des seigneurs Crevier de Saint-François. Et cette donation-là est à peu près la seule du genre dans tout le Canada. C'est à peu près la seule réserve dont le terrain n'a pas été donné par le gouvernement. Et dans cette donation, l'acte de donation stipule un cas particulier, c'est que la réserve donnée aux Abénakis, par l'intermédiaire des pères jésuites dans le temps, les Abénakis conserveront leur réserve en autant qu'ils conserveront leur mission. Il y a quelque chose de particulier là-dedans. Et le jour où la mission disparaîtra, le terrain présentement concédé par les seigneurs Crevier retournera à Dame Crevier et à ses héritiers. Elle existe encore. Parce qu'on a une mission, puis on est missionnaire. Vous avez un missionnaire qui est ici en permanence? Permanence. Il s'agit d'être capable de le garder. C'est ça qui est la question actuellement. Là. C'est important pour vous autres, alors? C'est important. Notre raison d'être, nous sommes basés là-dessus. Vous avez dit qu'il y avait combien de familles à Danac maintenant? Actuellement, peut-être une trentaine. C'est les jeunes qui manquent. Fatalement, dans quelques années, il n'y aura plus de réserve, quoi qu'il arrive. Ouais. Même si la mission reste. À moins que ceux qui sont à l'étranger reviennent. D'abord, occuper le sol des natifs à massacrer ou, sans réserver pour la couleur locale de ceux qui, produisant peu, se reproduisent trop, a émasculé. Moyennant roupies, couper et naturaliser les roupettes, de les vendre ensuite au bénéfice de quelque chose de rouge. Tecumseh, chef des Indiens Pawnees, tribu du groupe Algonquin, qui avait réussi à former une coalition contre les États-Unis. Le Grand Esprit a donné cette grande île aux Peaux-Rouges. Le Grand Esprit a installé les Blancs au-delà de l'océan. Aujourd'hui, ceux-ci, non contents de leur propre terre, sont venus chez nous et nous ont chassés des régions côtières jusqu'au Grand Lac. Mais d'ici, nous ne reculerons plus. 1810. Tecumseh mourut au combat en 1813. Est-ce que vous avez vu, il n'y a pas longtemps, dans un article du New York Times, c'était la couverture en fait du New York Times Magazine, il y avait un article sur la construction de la Trans-Amazon Highway, autoroute, qu'ils sont en train de construire maintenant. C'est extrêmement déprimant pour les ethnologues et plus généralement, enfin pour tous ceux qui s'intéressent aux fractions les plus déshéritées de l'humanité. C'est une construction... utile ou inutile, je ne sais pas, je ne m'aimerais pas d'en juger, mais qui très certainement sonne définitivement le glas des cultures indigènes de l'Amérique tropicale. Vous pensez qu'elles sont appelées à disparaître? Premièrement, elles seront dans des réserves, et puis après ça, elles seront... Oui, c'est-à-dire que la route traverse les derniers territoires qui étaient encore relativement libres, et il ne faut pas perdre de vue que des gens qui vivent au moins pendant une moitié de l'année de cueillette et de ramassage ont besoin pour subsister d'espaces énormes dont nous pouvons très difficilement nous faire une idée, et qu'à partir du moment où ces espaces se trouvent restreints, où ils se trouvent cantonnés dans des territoires trop petits, c'est tout leur genre de vie qui s'effondre, et avec tout leur genre de vie, toute leur philosophie, toute leur religion. Oui. Il me semblait pourtant que les Boros étaient plus au sud que les Boros sont beaucoup plus au sud. Et les Bororos sont un cas un peu particulier parce qu'ils se trouvent au contact de la civilisation depuis le XVIIIe siècle. Et pendant des années, ils avaient réussi à établir une sorte de modus vivendi. Enfin, ils pouvaient continuer à mener leur vie traditionnelle, bien qu'ils se trouvassent près de centres relativement civilisés. Mais d'après les derniers renseignements que j'ai eus sur les Bororos, ceux que les missionnaires salésiens, qui en sont les grands spécialistes, puisqu'ils sont établis chez eux depuis trois quarts de siècle, m'ont donné, c'est également la fin. J'ai des témoignages de première main sur ce qui s'est passé là-bas, et notamment sur ces ventes de terrain qui portent sur des lots de milliers ou de dizaines de milliers d'hectares qu'on fait inspecter en hélicoptère ou en avion aux acheteurs éventuels et qu'on leur vendait, comme on dit en brésilien, en portugais du Brésil, qu'on leur vendait limpiados, c'est-à-dire nettoyer, et nettoyer, ça voulait dire débarrasser les villages indiens qui pouvaient s'y trouver. C'est-à-dire que le vendeur envoyait une petite expédition armée comme il convenait pour mettre en fuite ou détruire les groupes indiens avant la vente. C'est ça, par d'autres procédés, comme celui dont vous aviez parlé, quelle était la distribution des habits contaminés en face aux gens. Je suis convaincu que ça existe encore. Et ce qui est absolument, je dirais, navrant, c'est navrant soi-même. Mais ce qui le rend encore plus davantage, c'est que ce sont des terres qui ne sont fertiles qu'en apparence, parce que c'est la forêt qui retient la mince couche d'humus qui est le support de sa propre fertilité, mais qu'une fois la forêt abattue, les pluies se chargent de laver cette couche d'humus qui est relativement peu épaisse. Phénomène bien connu qui s'appelle la latérisation du sol. Se produit et ça devient une espèce d'argile rouge compacte, pierreuse et dure sur laquelle plus rien ne peut pousser. L'Indien Smoala disait que l'être suprême était le créateur de la terre, des hommes, des animaux, de toutes choses. Les premiers hommes furent les Indiens, puis vinrent les Français et les prêtres. Beaucoup plus tard, les Américains et les Anglais, hommes du roi George, et enfin les Nègres. La terre appartient donc sans restriction d'aucune sorte à la collectivité des Indiens. Vous me demandez de labourer la terre, je devrais donc trancher le sein de ma mère. À ma mort, elle ne m'accueillerait plus. De couper de l'herbe pour faire du foin, comment oserais-je couper les cheveux de ma mère? Il y a des cultures, et c'est le plus souvent le cas en Amérique du Sud, qui, dès le premier contact avec la civilisation, s'effondrent d'un seul coup, et il n'en reste rien. Il y en a eu d'autres, notamment en Amérique du Nord, où des espèces de solutions intermédiaires ont pu être trouvées, et où, chez des gens qu'en apparence rien ne distingue plus des paysans blancs qui vivent dans leur voisinage, eh bien, tout au moins, enfin, tout un capital de traditions et de coutumes plus ou moins cachées survivent et se montrent très tenaces. C'est ça, je crois que c'est aussi le cas de certaines tribus indiennes du Grand Nord, de l'Alaska, enfin, qui ont conservé la tradition du potlatch et... Oui, d'ailleurs, sous des formes très, très modifiées. Mais ce qui est très frappant dans ce Grand Nord, d'après les témoignages que j'en reçois, c'est que les mythes, non seulement continuent d'exister, mais qu'ils sont remaniés et transformés de manière à donner une base plus solide aux revendications territoriales que ces populations peuvent avoir vis-à-vis du gouvernement américain ou du gouvernement canadien. En 1855, le chef indien Seattle, qui donna son nom à la plus importante cité du Washington, autrefois nommée New York, déclara aux négociateurs européens « Toutes les parcelles de ce sol sont sacrées. Toute colline, vallée ou plaine, tout bois a été sanctifié par quelque événement glorieux ou horrible autrefois. Même les rocs qui semblent muets et morts, quand ils cuisent dans le soleil, tremblent d'événements extraordinaires liés à la vie de mon peuple. » Quand les enfants de vos enfants s'imagineront seuls dans les champs, les boutiques, sur les routes ou dans les forêts en silence, ils ne le seront nullement. La nuit, lorsque tout bruit aura cessé dans les rues de vos villages et que vous les croirez désertes, elles grouilleront de la foule de ceux qui ont vécu là autrefois, fidèles à ce sublime lieu. Jamais l'homme blanc n'y sera seul. À l'est, à une altitude de 2500 mètres, s'étirait le village de Coyote. C'était une série de masures en adobe alignées au bord de la longue tortillarde d'asphalte qui allait ailleurs. Une brune et belle femme Navajo, la mère de 26 chevaux, portant le déguisement des gens des villes, s'agitait devant un restaurant à l'enseigne de la reine de la ville de Coyote. Elle était en train d'accrocher une pancarte qui commençait par les mots « Véritable blanc vivant ». La reine de la ville de Coyote finit de l'accrocher, puis retourna à l'intérieur. Le texte complet de la pancarte était « Véritable blanc vivant, en costume indigène, dansant des danses indigènes blanches ». « Je ne trouve pas ça drôle », dit James. James était son mari et le père de 26 chevaux. Mais il ne venait pas souvent au restaurant. James avait un visage rude et buriné et les cheveux retenus derrière la tête par un ruban rouge, coutume abandonnée par les jeunes Navajos. On ne peut concurrencer les gens en les imitant. Chapel Lake Indian Ceremonials, prospectus. Le nouveau passionnant drame vivant indien en plein air du Michigan. Troupe géante de véritables indiens d'Amérique du Nord. Authentique, mystérieux, dramatique. À 8h30 tous les soirs, sauf le lundi du 25 juin au jour de la rentrée. Dans la forêt nationale des Hurons près de Tawas City. Et 10 Tawas, comté Diosco, Michigan, juste à la sortie de la route nationale 23. Les tambours palpitants de l'homme rouge se remettent à battre. Ses feux cérémoniels brûlent clair. La voix du grand esprit appelle. L'aigle, l'oiseau tonnerre, vole à nouveau. Des quatre points de la rose des vents, les demeures des quatre vents quittant leur réserve la forêt profonde, comme le printemps fait place à l'été, des quantités d'Indiens de diverses tribus s'assemblent au beau lac de la Chapelle. Dans ce pittoresque, authentique, vivant, pompeux drame indien, vous verrez apparaître le fier chef, les corps de bronze brillants des guerriers dans leurs excitantes gesticulations et luttes, les émouvantes jeunes filles, les skos au visage stoïque, les joyeux bambins, tous en splendides costumes et ornements, présentant leurs cérémonies et danses immémoriales, jusqu'à présent inconnues à l'homme blanc. L'arène en plein air, confortable et pittoresque, donne sur l'île boisée qui sert de scène, buvette rustique et grand parking éclairé. What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this, what flattering noise is this? I hate to see born tongues and buns high as the gods, the slaves of tongues. What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this, what flattering noise is this? What flattering flattering noise, what flattering flattering noise, what flattering noise is this? L'anthropologie a devant elle une tâche énorme à accomplir. Elle prétend étudier l'homme dans sa totalité, totalité qu'il faut comprendre d'abord de façon spatiale et temporelle, c'est-à-dire toutes les sociétés humaines qui existent à la surface de la Terre ou qui, ayant existé, nous sont accessibles à travers les documents, et une totalité matérielle et spirituelle à la fois, puisque nous nous intéressons à l'homme depuis les manifestations les plus concrètes de son existence, sa vie économique, ses techniques, jusqu'à sa vie spirituelle et jusqu'à ses connaissances. Cette immense tâche serait impossible à remplir sans un principe simplificateur. Claude Lévi-Strauss, de quelle manière l'ethnologie reprend-elle à son compte certaines questions que se posait la philosophie et de quelle manière la démarche ethnologique conteste-t-elle certaines démarches philosophiques? Je pense par exemple à la querelle courtoise qui vous a opposé à Jean-Paul Sartre. Non, je ne crois pas qu'il y ait contestation quelconque de la part de l'ethnologie, et si contestation il y a, elle s'est plutôt produite en sens inverse. Le philosophe a l'habitude de réfléchir sur l'homme et de penser l'homme, et il lui est parfois désagréable que l'ethnologue aille chercher ses illustrations ou ses considérations dans l'exemple de sociétés qui sont tout à fait étrangères à celles constituant le climat intellectuel dans lequel le philosophe a été habitué à penser. Et parler de querelle même courtoise avec Sartre, je crois que ce serait encore trop dire. Il se trouve que dans la critique de la raison dialectique, Sartre lui-même a songé à jeter les bases d'une anthropologie. Et de ce fait, il est bien certain que, ne fût-ce qu'à cause de l'identité des termes, après tout, les ethnologues sont et se disent des anthropologues, il était indispensable de savoir ce qu'est l'anthropologie pour un philosophe et ce qu'est l'anthropologie pour un anthropologue. Or, ça n'est évidemment pas la même chose. Mais il n'y a aucune contestation de la part de l'ethnologue, qui trouve parfaitement normal que le philosophe pense comme il veut penser et sur ce qu'il veut penser, à la condition que le philosophe ne prétende pas lui interdire de travailler comme lui-même entend travailler. Et tout le débat est là, je crois. Le grand problème de la philosophie, à mes yeux, à l'heure actuelle, c'est l'énorme expansion de la pensée scientifique au cours, disons, du dernier siècle. Et ce n'est pas la pauvre petite ethnologie qui est venue piétiner le terrain des philosophes. C'est la physique, c'est la chimie, c'est l'astronomie, c'est la biologie. Une quantité de questions qui étaient du ressort de la philosophie qu'il était complètement au XVIIe siècle encore, qu'il était déjà un petit peu moins au XVIIIe, beaucoup moins au XIXe, mais tendent à lui échapper. Et l'avenir véritable que je vois pour la philosophie, ça n'est certainement pas de construire de grands systèmes, parce que dans ces grands systèmes, il y aurait obligatoirement un pourcentage énorme de considérations qui devraient être purement et simplement empruntées à la science. Son avenir me semble être, d'ailleurs, ce qu'elle a toujours été en un certain sens depuis son origine, c'est-à-dire une réflexion critique sur le savoir scientifique. Et c'est pour autant que la philosophie accepte de se faire ancilla scientiarium, n'est-ce pas, la servante et l'auxiliaire des sciences, qui me semble que son avenir lui est garanti. Si elle prétend, comme c'est le cas, je le crains pour beaucoup de nos philosophes contemporains, au moins en France, que la philosophie a un domaine qui lui appartient en propre, que ce domaine lui est complètement réservé, qu'il est interdit à l'investigation scientifique, que celle-ci n'a pas le droit d'y mettre le pied, alors je crois que c'est elle qui se passe la corde au cou et qui signe son arrêt de mort. Dan Sperber. Vous défendez, je pense tout à fait à juste titre, de faire un système en philosophie et en anthropologie. Est-ce que vous avez constitué un système ? Ça, certainement pas. Je voudrais en aucun cas qu'on imagine quelque chose de genre. Il me semble que j'ai fait quelques expériences sur des domaines très circonscrits. Et d'ailleurs, parler de système en anthropologie me semble difficile, puisque ce que nous étudions, ce sont certaines plages, si je puis dire, de l'activité humaine où notre investigation peut s'exercer, mais qu'à aucun moment nous ne prétendons donner une interprétation globale ou totale de l'homme. Enfin, peut-être une des grandes différences entre nous et les philosophes, c'est que nous ne sommes pas des gens du tout ou rien. Les philosophes nous disent, si vous n'expliquez pas tout, alors vous n'avez rien expliqué, non, nous disons, nous expliquons ceci, nous expliquons cela, et puis entre ces petits domaines où nous parvenons à jeter quelques lumières, il y a des gouffres d'inconnus et de mystères, et ça interdit de parler d'un système. Dans la mesure où vous définissiez un peu l'ethnologie comme la chiffonnière des sciences humaines, c'est-à-dire qui ramassait tous les objets qui avaient été laissés par les autres sciences, est-ce que même cet objet que vous laissez à la philosophie, cette critique des systèmes de connaissances, etc., l'anthropologie ne va pas être amenée, surtout l'anthropologie telle que vous l'avez vous-même définie, ne va pas être amenée à aussi essayer de jouer ce rôle-là? Nous pouvons le jouer, mais d'une autre manière. Je veux dire, le philosophe qui est installé dans le monde contemporain est censé être au courant de toutes les manifestations de la pensée actuelle et donc de la pensée scientifique, et nous autres des sciences humaines, je ne suis pas sûr que nous pouvons y prétendre. Nous pouvons contribuer à une réflexion sur la science en apportant notre témoignage sur d'autres manières d'envisager le réel ou sur d'autres aspects du réel que la science se trouve actuellement négligée. Mais nous ne réfléchissons pas sur les formes de la pensée scientifique, nous lui proposons plutôt des thèmes de réflexion à elle-même et d'investigation. Ce qui me semblerait dangereux, et je résume ma pensée sur ce point, c'est de suivre les philosophes quand ils adoptent pour caractériser l'homme le point de vue particulier qui est celui d'abord de leur groupe philosophique, puis celui de leur société, celui de leur monde contemporain. Nous autres, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'incorporer à la connaissance de l'homme la totalité, je ne dirais pas actuelle, parce qu'évidemment nous n'en connaîtrons jamais qu'une infime partie, mais au moins tout ce qui est accessible de la connaissance de l'homme. En somme, nous élargissons la réflexion humaniste telle qu'elle s'est manifestée depuis la Renaissance, qui s'est trouvée d'abord limitée à ce petit monde connu qui était le bassin méditerranéen, que le progrès de la civilisation et des voyages a étendu progressivement à l'Orient, à l'Extrême-Orient. Eh bien, nous ramassons les derniers témoignages humains qui avaient été laissés de côté, et c'est en ce sens que notre effort qui est en quelque sorte centripète, n'est-ce pas, qui part de l'extérieur et qui tend à tout ramener vers notre réflexion, se distingue de celui du philosophe qui part de lui-même, de sa propre pensée, de sa conscience ou de sa société ou de la science de son temps. And envy hears nothing, hears nothing that thou canst blast. Scorned envy hears nothing, hears nothing that thou Qu'est-ce qui a changé en anthropologie avec Claude Lévi-Strauss? Que signifie par exemple le terme même d'anthropologie structurale? Je serais très porté à dire que rien n'a changé, car plus je relis des anciens auteurs, plus je suis frappé de voir à quel point, enfin, cette espèce de menu-monnaie que nous essayons de tirer du grand capital que nous ont légué les fondateurs, mais qu'elle était déjà présente chez eux à côté de beaucoup d'autres choses. Maintenant, vous me posez une question plus précise, vous me dites qu'est-ce que ça veut dire anthropologie structurale? Eh bien, c'est évidemment un terme qui ne nous appartient pas en propre, que nous avons emprunté à la linguistique. Mais en un autre sens, derrière la linguistique, ça vient probablement de plus loin. Et si je voulais essayer de retrouver les sources premières de la pensée structuraliste, je crois que je me tournerais vers la philosophie naturelle de Goethe et ses travaux de botanique. Et en quoi l'a-t-il apporté quelque chose de nouveau? Et ici encore, je dois faire une réserve, parce que était-ce tellement nouveau? N'était-ce pas déjà présent en partie dans les réflexions botaniques de Rousseau? Mais enfin, nous laisserons ça de côté. Eh bien, c'est cette idée que des formes qui nous sont données, qui sont données à l'observation, et qui sont tellement diversifiées, tellement compliquées, que nous pourrions passer un temps incroyable et peut-être des vies entières à essayer de les décrire dans tous leurs détails, dans toutes leurs nuances, eh bien, se trouvent avoir entre elles des relations, et ces relations sont beaucoup plus faciles à décrire que les choses elles-mêmes entre lesquelles elles existent. Donc, c'est un certain décalage, un petit coup de pouce donné à l'attention du chercheur, moins vers les choses elles-mêmes, qui dans le domaine des sciences naturelles et bien davantage encore des sciences humaines sont incroyablement compliquées, moins les choses elles-mêmes que les relations qui les unissent. Et c'est de cette façon-là que je définirais le structuralisme, et je crois que c'est de cette façon-là que le linguiste probablement le définirait aussi, mais là je me tourne vers Ruvet. Nicolas Ruvet. C'est certain qu'en tout cas une certaine forme de structuralisme, celle justement dont s'est inspiré Claude Lévi-Strauss, peut effectivement se définir de cette manière. La phonologie pragoise, c'est effectivement cela essentiellement, c'est l'insistance sur les écarts différentiels, la notion de pertinence, etc., par opposition à l'ancienne phonétique. Évidemment, il y a d'autres formes de structuralisme, mais en ce qui concerne le développement de la pensée de Claude Lévi-Strauss, je crois que c'est surtout cela qui est important, le rapport à la phonologie pragoise. Et ce rôle crucial donc de la notion structure en tant que bon système d'éléments différentiels, et cela je crois il n'y a rien à contester là-dessus. Mythe 233. Arawaka, pourquoi le miel est si rare? Jadis, les nids d'abeilles et le miel abondaient dans la brousse, et un Indien s'était rendu célèbre par son talent à les trouver. Un jour qu'il creusait un tronc à coups de hache pour tirer du miel, il entendit une voix qui disait « Attention, tu me blesses ». Il poursuivit son travail avec précaution et découvrit au cœur de l'arbre une femme ravissante qui lui dit s'appeler Maba, miel, et qui était la mère ou l'esprit du miel. Comme elle était toute nue, l'Indien rassembla un peu de coton dont elle se fit un vêtement, et il lui demanda d'être sa femme. Elle y consentit, à la condition que son nom ne fût jamais prononcé. Ils furent très heureux pendant de nombreuses années. Et de même qu'il était universellement tenu pour le meilleur chercheur de miel, elle s'acquit une grande réputation à cause de la façon merveilleuse dont elle préparait le cassiri et le pewari. Quel que fût le nombre des invités, il lui suffisait d'en préparer une jarre, et cette jarre unique les mettait tous dans l'état d'ébriété souhaité. C'était vraiment une épouse idéale. Pourtant, un jour, qu'on avait tout bu, le mari, sans doute éméché, crut bon de s'excuser auprès de ses nombreux invités. « La prochaine fois, dit-il, Maba en préparera davantage. » La faute était commise et le nom prononcé. Aussitôt, la femme se changea en abeille et s'envola malgré les efforts de son mari. Dès lors, la chance de celui-ci disparut. C'est depuis cette époque que le miel est rare et difficile à trouver. Dans la pensée des Indiens américains, le passage de la nature à la culture est beaucoup moins rattaché, comme nous le ferions nous-mêmes, à l'apparition du langage articulé ou des outils, de l'outillage. Mais c'est la cuisson des aliments, le passage de la nourriture crue à la nourriture cuite, qui, dans leur pensée, connote cette transition de la nature à la culture. Et de même, en étudiant la position du miel, qui est par rapport au cru, du plus que cru, puisqu'il est prêt à être consommé sans avoir besoin d'être soumis au procès de la cuisson, qu'en somme les abeilles le procurent à l'homme tout cuit, si j'ose ainsi m'exprimer, ou bien le tabac qui, lui, est au-delà du cuit, puisque au moins le tabac fumé est incinéré pour pouvoir être consommé, alors correspondent à la même opposition que celle du cru et du cuit, mais une opposition en quelque sorte amplifiée. Le miel et la saison de la collecte du miel connotant une sorte de retour périodique de l'humanité à l'état de nature, tandis que le tabac, c'est le moyen de rester en communication avec ce monde surnaturel qui se trouvait mêlé à l'humanité avant l'apparition de la vie sociale, et avec lequel, par le tabac, il est possible périodiquement aussi de rentrer en communication. Mais rien de tout cela ne sont des affirmations de ma part, c'est simplement le discours des mythes tels que j'essaye de les lire, n'est-ce pas, qui s'exprime sur ces sujets de cette façon-là. Mythe 320. Caribe, origine du tabac. Un homme vit un Indien à pattes d'agouti qui disparaissait dans un arbre séba. C'était un esprit de la forêt. On entassa autour de l'arbre du bois, des piments et du sel, et on y mit le feu. L'esprit apparut à l'homme au cours d'un rêve et lui dit de se rendre, 3 mois plus tard, là où il avait succombé. Une plante pousserait parmi les cendres. Avec ses larges feuilles macérées, on préparerait une liqueur qui procurerait des transes. C'est au cours de sa première transe que l'homme connut tous les secrets de l'art du guérisseur. Mythe 334. Arecuna, origine du tabac et des drogues magiques. Fragment. Après avoir ingéré toutes sortes de préparations à base d'écorce ou âmes de divers arbres, les enfants qui étaient devenus très maigres et avaient perdu conscience reçurent enfin des instillations nasales de jus de tabac et subirent une douloureuse épreuve consistant dans le passage de cordelettes en cheveux enfilées par les narines et retirées par la bouche à travers le nez et l'arrière-gorge. Vers la fin de l'initiation, 2 des enfants violèrent un interdit, perdirent leurs yeux et furent changés en esprits nocturnes. Les 3 autres devinrent des sorciers accomplis et ils vieillirent près de leur maître. Ils étaient tout chauves quand celui-ci les renvoya dans leur village. Non sans peine, ils se firent reconnaître de leurs parents. Vexés d'être trouvés trop vieux par une jeune femme qu'ils désiraient, ils la pétrifièrent et transformèrent les membres de leur propre famille en esprits. Ce sont ces esprits qui font maintenant pousser en 10 jours le tabac des sorciers guérisseurs sans qu'il soit nécessaire de le planter. On distingue 3 variétés de ce tabac. Il est très fort. Such slaves like gods did adore, condemned, condemned and unpitied in chains. I fly from the place where flattery reigns, I fly from the place where flattery reigns, I fly from the place where flattery reigns. I hate to see I hate to see bontons advance. I as the gods, the slaves of chance. What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this, at which my snakes all hiss? What flattering noise is this? What flattering noise is this? What flattering flattering noise? What flattering flattering noise? What flattering noise is this? Je voudrais que Claude Lévi-Strauss commence par nous exposer quelque chose qui est absolument capital dans son œuvre et qui est l'opposition nature-culture qu'on retrouve dans à peu près tous ses ouvrages. Alors là, vous m'embarrassez extrêmement parce que j'ai l'impression que c'est le point sur lequel j'ai le plus évolué et je ne dirais pas que je ne reconnais pas ce que j'ai écrit il y a 25 ou il y a 30 ans sur ce sujet. Mais en tout cas, ça me semblait être une vue extrêmement partielle des choses. J'étais en effet parti de cette opposition comme tout à fait fondamentale entre humanité et animalité, parce que je cherchais à échapper à un naturalisme qui avait dominé la pensée ethnologique pendant le XIXe siècle, et singulièrement la pensée anglo-saxonne, et qui nous empêchait de voir ce qu'il y avait de spécifique dans les phénomènes humains. C'était à propos des questions de parenté, et ça n'est pas par hasard, puisque la parenté est ce par quoi nous nous trouvons reliés le plus directement au biologique, et donc il était très important de montrer qu'il n'était pas possible de dériver ces constructions très complexes que les hommes ont bâties autour de la notion de parenté de simples relations biologiques, mais qu'il y avait une rupture, qui s'introduisait là, quelque chose d'irréductible et qui se manifestait sur le plan particulier où je l'envisageais par la prédominance de la relation d'alliance, elle-même fonction d'universalité de la prohibition de l'inceste, et qui faisait que le biologique n'était pensé qu'en fonction du social, l'animal en l'homme donc, à partir de ce qui est spécifiquement dans l'homme, et ainsi de suite. Mais, et c'est ici d'ailleurs que je reviens à nos considérations de tout à l'heure sur les rapports entre ethnologie, science et philosophie, enfin, il se trouve que la science, disons, a fait beaucoup de progrès depuis ce temps-là, et que nous nous sommes aperçus que ce qui me semblait être tout à fait caractéristique et de manière privilégiée ou exclusive de l'homme, c'est-à-dire la pensée symbolique, je ne dirais pas été partagé entre lui et les animaux, ce serait aller beaucoup trop loin, mais que tout au moins il n'y avait pas cette espèce de cassure irréductible que nous pouvions supposer il y a 20 ou 30 ans, qu'il y a une quantité d'ébauches, d'esquisses, de formes de pensée symbolique, de modes de communication qui apparaissent déjà au niveau de la vie animale. Si bien qu'à l'heure actuelle, la distinction entre nature et culture ne me semble pas avoir une moindre valeur comme hypothèse de travail. Je veux dire, il faut tout de même faire en ethnologie comme si ce qui était culture était purement culture et ne pouvait pas être rattaché par des voies empiristes et trop simples à la nature. Mais sans préjuger que ça corresponde véritablement à la réalité des choses. Et j'imagine qu'au fur et à mesure que le progrès de la recherche, particulièrement la recherche des ethologues, c'est-à-dire qu'on confond souvent avec les ethnologues, en tout cas les compositeurs d'imprimerie font cette faute extrêmement fréquemment, les ethologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les comportements animaux, au fur et à mesure que leur science progressera, nous nous apercevrons que le passage est beaucoup plus tortueux, beaucoup plus complexe d'un domaine à l'autre, mais qu'il existe, en tout cas que la rupture que nous pouvions supposer. Si bien qu'à l'heure actuelle, je verrai dans l'opposition nature-culture beaucoup moins un présupposé philosophique que, si vous voulez, deux choses assez différentes. L'une, une distinction qui, pour l'ethnologue, a une valeur opératoire. Et en second lieu, une catégorie très générale de la pensée humaine. On m'a très souvent reproché d'avoir introduit l'opposition nature-culture dans la pensée des peuples sauvages et de leur avoir attribué ce qui en fait n'existait que dans mon esprit. Ça me paraît profondément faux. Je crois que toute recherche ethnologique un peu honnête et un peu approfondie montre qu'il n'y a pas dans la pensée des hommes et dans la pensée des peuples que nous appelons sans écriture, qu'il n'y a rien de plus net que cette opposition. Pierre Smith. Oui, alors dans la mesure où justement la plupart des hommes de toutes les sociétés utilisent cette opposition pour penser un certain nombre de choses, est-ce que la façon dont vous l'avez utilisée dans les structures élémentaires de la parenté n'est pas un petit peu une sorte de mythe d'origine de la parenté? Est-ce que ce ne sont pas les gens dont vous avez parlé qui eux-mêmes ont pensé leur système de parenté de cette façon-là, ou est-ce que vous pensez avoir fourni une explication qui est quand même... plus directement, enfin scientifique, plus général? Je crois que les deux choses sont vraies à la fois, et que la distinction a une valeur opérationnelle, précisément parce qu'elle nous offre une sorte de raccourci à la pensée, vers la pensée, les formes de pensée que nous étudions. Et que c'est parce que la distinction est présente dans l'esprit d'un grand nombre, et je serais prêt à dire de la quasi-totalité des sociétés humaines, c'est pour cela qu'elle nous offre une voie d'accès à l'étude de ce qui se passe dans ces sociétés. Dans les structures élémentaires de la parenté, justement, vous dites que c'est la prohibition de l'inceste qui fonde le départ entre nature et culture. Est-ce que votre pensée a changé sur ce point ? Non, elle n'a pas changé. Mais je suis tout à fait conscient que des nouveaux problèmes nous sont posés à cet égard par ces spécialistes de l'éthologie animale dont je parlais il y a un instant. Parce que la distinction entre l'humanité qui pratique universellement la prohibition de l'inceste et les animaux qui l'ignorent, et ça c'est une distinction qui remonte, je crois, aussi loin qu'Aristote, bon, elle se heurtait déjà pour les ethnologues à certains problèmes, enfin, ne fût-ce que celui que cette prohibition ne se définit pas de la même façon dans les différentes sociétés humaines. Il y a certaines sociétés qui interdisent beaucoup de parents, il y en a d'autres au contraire qui restreignent à un très petit nombre les conjoints prohibés. Bon, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est qu'il y ait toujours une règle, où que nous soyons, et que le champ d'application de la règle soit très restreint ou soit très étendu, c'est un phénomène secondaire. En revanche, ce qui semble plus digne d'attention, c'est que certains spécialistes de la vie animale nous disent maintenant qu'il y a ce qu'ils considèrent être comme des évitements de rapprochement sexuel dans certaines espèces animales entre individus unis par certains degrés de proximité. Toute la question, c'est de savoir, bon, premièrement, si c'est vrai, deuxièmement, si c'est la même chose, et troisièmement, à supposer que ce soit la même chose, si c'est une hypothèse qui doit entrer en ligne de compte. Quand je dis si c'est vrai, ça n'est pas du tout que je conteste la validité de chercheurs scientifiques, mais il y a tout de même quelque chose d'assez troublant, c'est que selon les régions du monde, les différents observateurs prêtent aux animaux qu'ils étudient le même type de prohibition que ceux qui étaient en vigueur dans leur propre société. N'est-ce pas ? C'est très frappant, en tout cas, pour les recherches des Japonais sur les singes, parce que l'ancien Japon avait des règles de prohibition de l'inceste qui étaient d'une nature tout à fait spéciale, et il semble qu'elles soient tout à fait du même type chez les singes. Alors là, il y a peut-être une certaine critique, disons, du témoignage à apporter. Mais s'il était vrai que les rapprochements sexuels n'ont pas lieu dans certaines familles animales entre individus du certain degré de parenté, il s'agirait de savoir si nous sommes en présence d'un phénomène du même ordre ou du même type. Ce qui est important dans les sociétés humaines, c'est que la prohibition de l'inceste, de quelque façon qu'on la définisse, est édictée. Ça n'est pas du tout que une tendance statistique apparaisse en l'absence de toute règle, que des individus élevés près les uns des autres tendent à s'éviter sur le plan des rapports sexuels. Si ça se produisait, il n'y aurait précisément pas été nécessaire de promulguer des lois. Et c'est l'existence de ces lois, j'emploie le terme au sens large, qui constitue le phénomène lui-même et non pas le contenu que peut avoir la prohibition ou les tendances de telle ou telle société. Dan Sperber. Mais il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent à propos de la prohibition de l'inceste depuis la publication des structures élémentaires de la parenté. Il y en a un en particulier qui me semble assez fondamental et qui est le suivant. Vous bâtissez une théorie de l'inceste dans les structures élémentaires de la parenté sur la notion d'une règle universelle, c'est-à-dire d'un phénomène règle culturelle et universelle naturelle. C'est une des bases de votre argumentation. Or, vous venez vous-même de le dire maintenant, la prohibition de l'inceste est universelle, mais l'amplitude de la règle varie. Si c'est la règle de prohibition de l'inceste qui est universelle, alors on a en effet affaire à quelque chose d'unique et qui pose un problème tout à fait particulier. En revanche, si c'est la prohibition comme phénomène simplement qui est universelle, elle fait partie d'une série d'autres phénomènes qui aussi le sont, comme la cuisine, comme la danse, etc., qu'on trouve dans chaque société avec des règles et des propriétés différentes. Il me semble que la distinction entre règles et phénomènes est très importante et qu'il est nécessaire de se mettre d'accord là-dessus. Si nous parlons d'un phénomène, nous risquons de retomber dans les vieilles explications naturalistes. Bon, c'est quelque chose qui se passe et qui peut s'expliquer de n'importe quelle façon. Par exemple, que les gens qui ont grandi ensemble n'ont pas beaucoup d'attrait sexuel les uns pour les autres et sont donc portés à aller papillonner ailleurs, ainsi de suite. Mais alors l'essentiel du phénomène nous échappe. Ce qui me semble important, c'est qu'au contraire, ce soit une règle, bien que le contenu de la règle puisse être extrêmement divers. Et là, il n'y a rien de nouveau dans l'ethnologie depuis un siècle ou même depuis deux siècles. Enfin, on a toujours su que la manière dont la prohibition se définit varie à l'extrême selon les populations. Mais en quoi consiste la règle ? La règle, c'est qu'il y a toujours quelque chose d'interdit. C'est qu'il y a un minimum auquel il faut satisfaire, et ce qui entraîne immédiatement que n'importe quelle famille biologique, ne pouvant pas satisfaire l'intégralité de ses besoins de procréation à l'intérieur d'elle-même, doit obligatoirement se tourner vers d'autres familles biologiques pour l'aider, et en compensation, les aider en retour. Et c'est ça qui me semble être la règle. Ce qui pose quand même un problème, c'est le fait, on voit très bien comment la prohibition de l'inceste d'une part et l'exogamie d'autre part sont conceptuellement dans un rapport d'inversion. En revanche, il y a un problème ethnographique qui vient du fait que dans une société donnée, de manière générale, il n'y a pas une coïncidence entre l'exogamie et la prohibition de l'inceste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on ne peut pas épouser mais qui n'ont pas avoir des rapports sexuels, par exemple. Oui, mais ça, tout à fait d'accord. Mais ça accentue le côté règle du phénomène. Ce qui est important, ce ne sont pas tellement les rapports sexuels en eux-mêmes, tant qu'ils ne sont pas codifiés et qu'ils n'interviennent pas dans la détermination des statuts sociaux des générations qui suivront. Et bien entendu, c'est le mariage qui est important, tandis que pour, disons, les amusements, ça l'est beaucoup moins, mais ça c'est vrai dans toutes les sociétés, c'est vrai aussi dans la nôtre. Mythe 658a. Kulitz, histoire de Pipi au lit. Pipi au lit avait cinq sœurs. Un jour, il tua une créature redoutable qui pourchassait un jeune homme et dissimula celui-ci dans ses cheveux. Le même incident se répéta cinq fois de suite avec des personnages différents. Et le jeune héros put ainsi procurer un mari à chacune de ses sœurs. L'aînée eut deux enfants, un garçon et une fille, qui s'éprirent l'un de l'autre. Ils fuirent ensemble. La mère courut après eux sans les rejoindre. Le couple incestueux se réfugia en terre étrangère. Un fils leur naquit. Chaque jour, ils dansaient en chantant « Ma mère est aussi ma tante, mon père est aussi mon oncle ». Son père eut peur qu'on l'entendît. Il le tua. Le démiurge décepteur survint et ordonna au couple incestueux de se désunir. Il contraignit l'homme et la femme à se trouver chacun un conjoint parmi les étrangers. Ainsi fera-t-on désormais. Dès qu'ils atteindront l'âge de raison, les frères, les sœurs et les cousins sauront qu'ils ne doivent pas coucher ensemble. C'est ainsi maintenant. Il est mal qu'un frère et une sœur deviennent amants. Une question qui se situe presque au début de votre œuvre. C'est une phrase de Boas qui date de 1911. Les lois qui gouvernent les institutions humaines sont aussi inconscientes que les lois qui gouvernent le langage. Alors je voudrais savoir si sur ce point votre pensée a changé ou si vous croyez toujours que les lois qui gouvernent les institutions humaines sont inconscientes. Et par conséquent, si c'est vrai, si c'est le cas, quelles conséquences en tirez-vous? Peut-on, par exemple, en tirer comme conséquence que nous sommes capables, nous, observateurs étrangers, de voir quelles lois gouvernent la société Bororo, mais en revanche, il faudrait un observateur Bororo pour voir clair dans les lois qui gouvernent nos institutions? Non, je crois que la conclusion que vous en tirez ne résulte pas du tout des prémices. Je dirais que beaucoup de lois du langage et beaucoup de lois qui gouvernent l'organisation sociale sont inconscientes. Mais elles ne le sont pas par nature et de manière irréductible. Rien ne les empêche d'émerger à la conscience. Et l'existence même des linguistes le prouve, puisqu'ils expriment sous forme consciente des lois qui sont inconscientes pour nous autres, et qui sont inconscientes, d'ailleurs, pour eux, les trois quarts du temps, je veux dire, à tous les moments où ils ne sont pas en train de faire un cours de linguistique ou d'écrire un cours de linguistique. Mais rien n'empêche que un Bororo, pour reprendre votre exemple, ne puisse lui-même avoir conscience des lois de sa propre société, simplement il n'en aura pas conscience tous les jours, à tous les moments. Nicolas Ruet. Dans le cas de la linguistique, le fait que la linguistique existe, qu'elle fasse des progrès, etc., ne change absolument rien au caractère inconscient du fonctionnement du langage. Disons, un linguiste qui a appris un certain nombre de choses sur la syntaxe, mettons, quand il parle, continue à appliquer de manière parfaitement inconsciente les règles de sa grammaire. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose ou que c'est différent ou qu'il y a des nuances dans le cas des autres domaines? La parenté, par exemple. Alors, disons qu'il y a énormément de nuances. Dans le domaine de la parenté, il est très clair que certaines sociétés ont formulé de façon tout à fait consciente des règles et les appliquent de façon également consciente. Que d'autres suivent certains usages parce qu'ils sont héréditaires, mais ne prennent pas conscience, je veux dire parce qu'ils sont légués par la tradition, mais ne prennent pas conscience ou peut-être même n'ont jamais conscience de la structure du système des échanges matrimoniaux tel qu'il existe dans leur société. Mais je pense qu'il faut encore distinguer un troisième cas, c'est celui où le modèle conscient d'une société, comme celui de certaines sociétés australiennes, ne correspond pas nécessairement à la manière dont la société elle-même fonctionne. Si vous envisagez un joueur d'échecs qui veut formuler la manière dont se déplace le cheval, il aura à sa disposition plusieurs modèles. Il pourra vous dire, il saute une case, il va à côté, ou bien il pourra vous dire, il combine le mouvement du fou et le mouvement de la tour, ou bien il pourra vous dire, il est au centre d'un carré de 5 cases de côté, et il peut aller sur n'importe quelle case de la périphérie qui est d'une couleur opposée à celle de la case de départ. Bon. Peut-être qu'il existe une façon beaucoup plus simple et beaucoup plus rationnelle qui explique mieux le jeu d'échecs de décrire la fonction du fou dont aucun joueur d'échecs n'a effectivement conscience. Il y a donc des modèles. Il y a des modèles et il y a également des sociétés qui se passent de modèles. Et quand il y a des modèles, ces modèles ne sont pas nécessairement les bons, les meilleurs, je dirais presque les vrais. Quand je dis les vrais, je veux dire les plus économiques pour expliquer la manière dont le système fonctionne. Nicolas Ruet. Dans le langage, je suis pratiquement sûr que, même à supposer même une science linguistique terminée, je crois que ça ne changerait absolument rien à la nature inconsciente du fonctionnement de la langue et qu'on continuerait, les langues continueraient à fonctionner exactement de la même manière. Bon, je ne suis pas anthropologue du tout, mais je me demande si c'est la même chose qui se passe dans d'autres domaines. Si le fait d'avoir élaboré, mettons, une théorie de la parenté ou des rapports de production, n'importe quoi, ne peut pas alors avoir une influence vraiment assez radicale sur, mettons, l'évolution des phénomènes eux-mêmes. S'il n'y a pas une différence là entre le langage et, en tout cas, peut-être certains secteurs de la réalité culturelle ou sociale. Je pense qu'il y a une grande différence et qu'il n'existe aucune institution sociale qui puisse être mise exactement sur le même plan que le langage. Ne fût-ce que pour la bonne raison que s'il n'y avait pas déjà le langage, il n'y aurait aucune institution sociale. Donc elles sont toutes dérivées par rapport à lui. Et tout ce que nous pouvons dire ou tout ce que nous pouvons essayer de faire, c'est de les classer en ordre décroissant selon qu'elles se rapprochent davantage du modèle linguistique ou qu'elles s'en éloignent de plus en plus. Il n'y a donc pas un parallélisme rigoureux qu'on peut faire. Néanmoins, et ceci s'adresse plus particulièrement à Ruet, est-ce qu'il est tellement certain que la formulation consciente des lois du langage n'altère en aucune façon la manière dont le langage est parlé ? L'altère d'une autre manière. Mais après tout, il y a dans nos sociétés des grammairiens. Ces grammairiens influent sur la manière dont la langue se trouve enseignée, et ces grammairiens sont eux-mêmes influencés par les théoriciens des linguistes. Il y a donc une certaine interaction. Enfin, s'il n'y avait pas eu, disons, ménage et voiture, nous ne parlerions probablement pas aujourd'hui comme nous parlons. It was 1000 deities. To whom we daily sacrifice. Ye powers that dwell with fates below, and see what men are doomed to do, where elements indeed. Zempora, what strange fate must on her dismal vision wait? L'un des gros problèmes qui se pose aux linguistes pour l'instant, c'est existe-t-il des éléments communs à toutes les langues du monde et quels sont-ils ? Alors, je voudrais savoir si l'ethnologue qu'est Claude Lévi-Strauss s'est déjà posé la question de savoir s'il existe des universaux pour tous les systèmes symboliques. C'est une question que les ethnologues se sont souvent posées. Je crains que leur tentative ne soit montrée jusqu'à présent très décevante, parce que si nous nous bornons à dire il n'y a pas de société humaine qui ne possède le langage, il n'y a pas de société humaine qui n'ait des croyances religieuses, il n'y a pas de société humaine chez laquelle la guerre n'existe pas, nous avons dit des choses extrêmement banales et plates, parce que nous sommes tout à fait incapables. Et c'est cela probablement une de nos grandes différences avec le linguiste, de dire où commence et où s'arrête le type de phénomène que nous envisageons. Le langage, il existe ou il n'existe pas. Le linguiste peut nous dire qu'il n'existe aucune société humaine qui ne possède un langage articulé et il n'existe aucun animal dont on puisse dire dans le même sens qu'il a un langage articulé. Si nous prenons des notions comme la guerre ou comme la religion, alors c'est très difficile, immédiatement il s'agit de savoir qu'est-ce que nous appelons la guerre, comment est-ce que nous la définissons, et selon la manière dont nous la définirons, elle sera présente ou elle ne le sera pas. Autrement dit, nous sommes confrontés à un problème de seuil. Et ce problème me paraît pratiquement insoluble dans l'état actuel, je ne dirais pas de nos connaissances, ce n'est pas une question de connaissances, mais de notre appareillage idéologique ou conceptuel. Nicolas Ruet. Vous avez remis, je ne dirais pas à la mode, mais vous avez remis au centre de votre problématique la notion de nature humaine, d'esprit humain. Donc cette question des universaux, de ce qui constitue la nature humaine, est quand même un problème qui pour vous est au centre d'une certaine manière. Évidemment, les linguistes sont pour le moment dans une situation plus favorable pour aborder ce genre de problème dans leur domaine, pour les raisons que vous venez de dire, mais je pense que vous seriez d'accord pour dire que c'est un problème fondamental, alors qu'il y a eu, et en linguistique d'ailleurs, et en anthropologie, toute une certaine tendance à, au fond, vraiment, à la limite, même à nier ces notions. Je pense à la fameuse phrase de Joyce disant que les langues pouvaient différer entre elles d'une manière absolument arbitraire. Et j'ai l'impression que vous seriez plutôt à ce point de vue-là, vous auriez plutôt la même attitude que nous. C'est plutôt un problème pratique qui vous arrête pour le moment, disons, qu'un problème de fond. Ce n'est pas exactement une difficulté pratique, c'est une question de définition. Jusqu'à présent, quand on s'est posé le problème des universaux en ethnologie, on s'est adressé à des contenus. C'est-à-dire qu'on s'est demandé, est-ce que la guerre est une institution universelle? Est-ce que la musique existe chez tous les peuples? Est-ce que la magie existe chez tous les peuples? Et ainsi de suite. Quand je parle de nature humaine, c'est pas du tout à ça à quoi je pense. Je ne pense pas à certains contenus idéologiques ou institutionnels qu'on devrait nécessairement trouver dans toutes les sociétés humaines et que nous ne savons pas exactement comment définir. Je pense beaucoup plutôt au fait que tous les hommes, du fait qu'ils sont des hommes, se trouvent avoir un cerveau qui est construit anatomiquement et qui physiologiquement fonctionne de la même façon. Et par conséquent qu'il y a certaines contraintes qui sont, disons, d'ordre neurologique et qui sont préalables à toute expérience sociale ou même à toute expérience du monde. Maintenant, ces contraintes, elles ne sont évidemment pas différentes de celles que vous-même considérez lorsque vous recherchez ce qu'il peut y avoir de fondamentalement commun dans toutes les langues humaines. Et je pense que dans cette recherche d'universaux qui serait d'un caractère formel et non pas du tout d'un caractère concret, alors nous nous dirigeons nécessairement les uns vers les autres et que les propriétés que les linguistes sont amenés à considérer comme étant fondamentales et communes à toutes les langues nous apparaîtront aussi comme celles les mieux susceptibles d'expliquer ce qu'il peut y avoir de formellement commun à toutes les sociétés humaines dans d'autres manifestations que dans leurs manifestations linguistiques. Dan Sperber. Il y a quand même un problème qui se pose ici. Tant qu'on était encore en linguistique, disons dans la période de la linguistique structurale au sens restreint du terme, le type d'universaux considéré, de règles générales valables pour toutes les langues, était en effet d'une nature telle qu'on voyait bien comment il pouvait s'appliquer en dehors du langage même et concerner toutes les institutions. Ce qui se passe désormais depuis, les œuvres de Chomsky, c'est que le type d'universaux que les linguistes tendent à chercher sont visiblement extrêmement spécialisés et susceptibles de sous-tendre des phénomènes linguistiques, mais on voit beaucoup plus mal comment les propriétés dégagées pourraient être les propriétés d'autre chose que du langage lui-même. Il y a un problème sous-jacent à celui que je viens de poser, qui est le suivant. Il y a au fond deux conceptions maintenant des universaux anthropologiques. D'une part, donc, cette conception de dispositif très spécialisé, qui est celle, en gros, qu'on trouve chez Chomsky, une conception qui, me semble-t-il, est plutôt la vôtre, et qui envisage des règles et propriétés très générales, qui ne soient pas spécifiques à tel ou tel type d'activité, mais qui les gouvernent aussi bien toutes. Je crois que vous soulevez un problème qui est en effet capital dans l'évolution actuelle de la linguistique et aussi pour définir les rapports entre linguistique et ethnologie. Et si enfin, la linguistique s'engage dans la voie qui a été indiquée par Chomsky de rechercher enfin, des propriétés fondamentales d'un type strictement linguistique, alors là, nos voies divergeront et même probablement divorceront. Simplement, ça ne me semble pas acquis d'avance. Et je ne suis pas convaincu que ce soit une hypothèse nécessaire. Je ne suis pas convaincu qu'il ne faille pas chercher l'explication des formes universelles de l'expression linguistique à un niveau qui est lui-même infralinguistique et sur lequel sont susceptibles de s'engrainer, de s'embrancher, non pas seulement des activités linguistiques, mais d'autres activités de type culturel. Stand waiting for the dread command. The fatal word shall soon be heard. Answer then, is all prepared? All prepared. Souls begun before our sacred rites come on. Take care that this be also done. All is done. Now in procession walk along and then begin your solemn song. Lorsque vous dites que les mythes expriment une logique des qualités sensibles, est-ce que vous ne sous-entendez pas là que les mécanismes qui sont à la base de la fabrication des mythes, de leur transformation, de l'engendrement des mythes et des permutations que les mythes peuvent présenter entre eux, ne sont pas des mécanismes qui se retrouvent sous toutes les latitudes et parmi tous les peuples. Vous me demandez d'aller beaucoup trop rapidement à des conclusions que je ne suis pas du tout prêt à atteindre. Si, dans ces quatre volumes des mythologiques, je m'en suis résolument tenu à la mythologie américaine, c'est précisément que je voulais éviter, autant que faire se peut, les écueils de la vieille mythologie comparée. J'ai essayé de décrire un certain système mythologique, un petit peu comme un linguiste allant dans une population inconnue, commencerait par une description de la langue sans même encore prétendre en faire un dictionnaire ni une grammaire, c'est-à-dire relever un certain nombre de propriétés caractéristiques qui ne sont certainement pas toutes celles qui permettraient de définir la langue et qui permettront de la définir un jour. Je ne suis absolument pas sûr, je n'en sais rien, je n'en préjuge pas, que enfin, les traits qui me sont apparus caractéristiques de la mythologie américaine se retrouveraient intégralement dans d'autres mythologies ailleurs dans le monde. C'est uniquement quand des études similaires auront été faites, si elles le sont jamais, que nous pourrons rechercher s'il existe un commun dénominateur, des propriétés fondamentales communes à ce qu'on pourrait appeler la pensée mythique, ou bien au contraire qu'il existe plusieurs pensées mythiques qui sont d'espèces différentes. Pierre Smith. Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde du mythe vraiment qui serait sur la terre entière, vraiment fermé, qui constituerait un objet en lui-même, ou bien est-ce qu'au contraire il faudrait envisager simplement que cette catégorie des mythes puisse se diviser, se répartir autrement selon les régions? Non, bien sûr. Enfin, la mythologie est un terrain particulièrement favorable qui nous est offert pour étudier certains modes de pensée. Mais il serait très loin de moi de considérer que c'est un monde clos, et je suis bien. Et ce serait pas intéressant d'ailleurs si c'était un monde clos. Si c'est intéressant de l'étudier, si ça vaut la peine, c'est que précisément c'est une des voies d'accès jusqu'à présent trop négligées, mais qui nous est ouverte pour mieux comprendre le fonctionnement de la pensée en général et dans quantité d'autres domaines qui ne sont pas ceux de la mythologie, et probablement d'ailleurs dans tous les domaines où la pensée a lieu de s'exercer, et je suppose même dans le domaine de la science, parce que si nous pouvions suivre la démarche de la pensée du savant quand il est engagé dans une recherche et sur la voie de certaines découvertes, eh bien je suis persuadé qu'il y a beaucoup de moments d'opérations, enfin, qui relèvent, et je ne considère en aucune façon être péjoratif cet égard, bien au contraire, mais qui relèvent de la pensée mythique. C'est une forme de pensée qui, je ne peux pas dire en fait, mais dont la vocation est d'être universelle, sans que je puisse affirmer qu'elle l'est. Ça, il n'y a que des recherches très longues et très approfondies dans une quantité d'autres domaines, celui de l'art, celui de la poésie, qui le montreront. D'après Henri David Thoreau, tout poète est au fond un pot rouge, et à ce titre, l'ennemi des dames. Car la poésie est un acte dangereux qui arrache le cœur de la vie, comme un Indien arrache un scalp. Peut-on concevoir un code des masques comme on peut concevoir un code mythologique ? Ça, je commencerai par vous répondre que j'aurais travaillé 20 ans sur les mythes et que c'est peut-être, si Dieu me prête vie, que j'aurais travaillé 20 ans sur les masques que je serais en mesure d'y répondre, et certainement pas maintenant. Disons que la question que je me suis posée est de savoir si la méthode d'investigation que j'ai appliquée à la mythologie pouvait également s'appliquer dans des domaines complètement différents. Non pas celui des mythes qui relèvent de la littérature au sens large, mais celui, en employant un terme tout à fait impropre, des objets d'art, des choses de l'art. Or, il se trouve qu'il existe certains masques qui soulèvent beaucoup d'obscurité parce que nous les connaissons mal, parce que nous ne comprenons pas les raisons de la représentation ou de la transformation du visage humain à laquelle ils font assister. Et je me suis demandé s'il ne convenait pas de faire comme pour les mythes, c'est-à-dire de rechercher s'il existait quelque part dans la même culture, dans une culture avoisinante, un masque qui, sur le plan plastique, dise, si j'ose ainsi m'exprimer, exactement le contraire du premier. C'est-à-dire, et je simplifie beaucoup, qu'il soit rond quand l'un est carré, qu'il soit creux si l'autre est en relief, qu'il soit blanc si l'autre est noir, et ainsi de suite. Et à supposer qu'un tel masque existe, eh bien, s'il ne nous permet pas, par cette méthode d'opposition binaire que j'ai utilisée en mythologie après les linguistes, s'il ne nous permet pas de construire un champ sémantique qui soit commun à ces deux types de masques, à l'intérieur duquel il est possible d'ordonner d'autres types de masques selon qu'ils se rapprochent plus ou moins des formes extrêmes, et de dégager une signification qui restait impossible à apercevoir quand on s'en tenait à la considération d'un objet particulier. Mais ici encore, il s'agit d'étudier les relations entre des objets au lieu de s'en tenir aux objets eux-mêmes considérés comme des êtres à part et qui forment un tout par eux-mêmes. Pierre Smith. Oui, dans votre œuvre, enfin, vous avez toujours eu tendance à vous à choisir un certain niveau, à vous y tenir. Par exemple, pour la parenté, vous êtes tenu aux structures élémentaires, celles qui ne vous obligeaient pas à sortir du domaine de la parenté. Dans les mythologies, après avoir, dans les premières analyses, pris un mythe d'une société et le mettre en rapport avec tous les différents niveaux de cette société, vous avez plutôt eu tendance à analyser le monde de la mythologie et à ne vous référer aux autres niveaux de la société sociale que pour aider cette interprétation. Est-ce que dans les masques, vous allez aussi vous tenir essentiellement aux représentations qui figurent sur les masques et essayer de les expliquer de la même façon que vous faites avec les mythes, ou bien est-ce que vous allez un peu nous parler aussi enfin, de la fonction sociale du masque. Vous avez parlé de fait social total à propos d'échanges qui étaient liés à ces masques, etc. Est-ce que vous allez peut-être voir un peu comment s'articulent les différents niveaux de la réalité sociale d'une façon peut-être plus classiquement sociologique, si vous voulez? Je compte envisager tous ces aspects, mais il me semble que ce ne serait pas tellement différent de ce que j'ai essayé de faire sur la mythologie, où je crois avoir utilisé, enfin du mieux que j'ai pu, la totalité de l'information qui se trouvait disponible sur les sociétés considérées. Un mythe ne peut pas être étudié en lui-même, puisque la différence, l'opposition qui peut exister entre deux variantes d'un même mythe sont liées au fait que telle société pratique la filiation patrilinéaire, l'autre la filiation matrilinéaire, que l'une vive principalement de pêche, l'autre principalement de chasse, que l'une pratique pour la production et la consommation un régime d'autarcie, tandis que l'autre fréquente des foires intertribales et ainsi de suite. Et par conséquent, même pour l'étude de la mythologie, il me semble qu'il est indispensable non seulement de faire appel, mais d'intégrer constamment les différents niveaux qui nous sont accessibles dans la société considérée. Et cela pour les masques, bien entendu, aussi. TF, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, le rouge et le blanc, par René Farabet, Robert Georgin, Jean-François Vallée. Assisté de Janine Antoine, Janine Groléas, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Marcel Grenier, Nelly Laya. Question à Claude Lévi-Strauss. Avec Nicolas Ruvet, Pierre Smith, Dan Sperber. Le sauvage en question. Michel Buteur, William Ixtley, Leslie Fiedler, Claude Lévi-Strauss, Maurice Roche. Danse, ni ange ni bête. Musique, Pau, Gilles Archambault, Rouge, Amérindien, Jacques Larue-Langlois, chant. Le rouge et le blanc. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 7 mai 1972. Elle est à réécouter en ligne et à télécharger sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.